faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. C'est pas une journée de paix. J'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. Mais je préfère le cas, c'est la vodka. Les répètes qui se passent à l'avocat. Mais qu'est-ce que je bande dans je rappelle la prod par. Qu'est-ce que je branlais sur les bancs de la fac. Qu'est-ce que je branlais dans ma vie avant d'arriver à ce jour. J'ai tellement changé depuis, je vois plus la suite en contre-jour. Prise de conscience en pleine gueule. Maintenant je sais comment m'occuper avant le cercle. C'est pas une journée de paix. Mais j'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. Mais j'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. Mais j'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. Mais j'avoue, on aurait pu mieux faire. On aurait pu aller en cours, ça aurait fait plaisir à ma mère. On aurait pu mieux faire. Ça aurait fait plaisir à ma mère. On termine cette émission avec Maroon 5. Et évidemment, on a encore un best-of du 6-9 aussi à vous proposer avant 6h. Marco a fait la liste du nombre de choses qui se passent chaque seconde dans le monde. Par exemple, combien d'emails sont envoyés. Je peux vous dire qu'il y a des chiffres qui sont assez impressionnants. Je vous invite à écouter ça. Et puis juste après, eh ben, forcément, vous retrouvez toute l'équipe en forme, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite un excellent lundi. Courage pour cette semaine qui arrive. Tout va bien se passer. On sera là pour vous accompagner et tenter de rendre votre semaine encore meilleure. Le 6-9. 6h-9h. 6h-9h. Sur Énergie. J'ai des petits trucs sympas. Des chaque seconde dans le monde. Ah. Je vous disais juste avant, en effet, je sais plus que. Ah oui, 4,5 personnes qui découvrent Internet toutes les secondes dans le monde. C'est ouf, hein. Encore, mais 4 personnes. Encore maintenant, ouais. C'est fou. C'est 4 personnes. Oui, c'est 8 personnes. 3,4 millions d'emails qui sont envoyés chaque seconde. Purée. Chaque seconde. Combien 3,4 millions, mec, ça fait flipper quand même. Ah ouais. C'est dingue. Ça, c'est des chiffres qui font peur, les copains. Un litre de crème solaire se dilue dans les océans chaque seconde. Oh, c'est pas bien. Ah non, c'est la tristesse. Est-ce que, ouais. Je me suis posé la question, ça pollue les crèmes solaires? Évidemment, ouais. Ouais, évidemment. Ah, je savais pas, moi. Ah oui, non, il faut éviter, hein. Enfin, il faut éviter. Il faut en mettre pour bronzer. C'est ouais. Voilà, c'est dangereux. Mais quand vous allez vous baigner, il faut éviter de mettre de la crème et être baigné, quoi, tu vois. Ouais. En gros, la crème que tu viens de mettre va juste. Hop là! Parce qu'il y a des produits chimiques. Non, après, sincèrement, il y a beaucoup de crèmes aujourd'hui qui existent qui sont pas polluantes. Donc voilà, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais favoriser ça, vraiment, c'est plus sympa pour l'avenir et pour nos océans. De Planet Safe. Et ben ouais, vraiment, les copains. 15 millions de mètres carrés de glace plongent dans les océans pour rejoindre le sud chaque seconde. Oh, chaque seconde. Ça fond, enfin. 15 millions de mètres carrés, c'est énorme, quoi. Je suis choqué. À fond. 4000 litres d'une une boisson très connue qui est consommée toutes les secondes dans le monde. Oh non, qui est rouge, qui commence par Coca et qui finit par Cola. C'est ça. Ah, okay. 4000 litres, mec, de Coca dans chaque seconde dans le monde. Attends, fais flipper. 4000 litres. 8000 litres. 4000. 12000 litres. Ouais, non, 16000 litres. Oui, un diabétique. C'est plutôt ça. 400 kilos de pâtes industrielles sont produites chaque seconde dans le monde. Bah, c'est pas énorme parce qu'il y a 2100 kilos de viande bovine qui sont produites chaque seconde. T'imagines? Oh, plus là de viande que de pâtes, quoi. Purée. Wow. Rendez-nous l'Italie. Waouh, waouh, waouh. Non, ça fait flipper. Oui, mais il faut mettre des carbonara. C'est vrai. 15500 litres d'eau s'évaporent des océans chaque seconde aussi dans le monde. Voilà, c'est tous les petits chiffres, j'en ai plein. Vous savez quoi, je vous garde ça sous le pied, on s'en fera ça une prochaine fois. Purée, c'est dingue. J'ai même des. J'ai chaque seconde, j'ai chaque minute, j'ai chaque jour, mais chaque année, chaque décennie, chaque. C'est cool parce qu'on mourra moins con ce soir. Ah! Merci Marco. Avant de mourir, couche-toi quand même. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. So let's go on these train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not.

Le Folder Gourmet de Cora. Découvrez des milliers d'idées délicieuses pour des fêtes délicieusement pas chères. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Énergie. Il est 6h01 sur Énergie, c'est lundi 10 décembre, une nouvelle semaine qui démarre. Toute l'équipe est là comme chaque matin dans la bonne humeur, évidemment. Bonjour! Bonjour! On espère que tout va bien, vous avez passé un bon week-end les fifous. On est de retour avec vous pour démarrer cette nouvelle journée, affronter cette nouvelle semaine, parce que oui, le lundi, on affronte. Le vendredi, on kiffe, mais le lundi, on affronte. Ah oui. C'est comme ça, et on va bien évidemment profiter avec vous. On va vous raconter notre week-end en une expression dans un instant. Une expression, genre une souris verte qui... Non, c'est pas une expression. Pierre qui roule. Par exemple. Une namasse, pas mousse. Ça fait du jardinage, Auré. Non. On vous explique le week-end dans un petit instant. En attendant, toute l'équipe est là. Et je tiens à souhaiter un bon anniversaire à notre Tiffany nationale. Hey, eh oui, elle fête ses 12 ans aujourd'hui. Un quart de siècle, wouh, et toujours en vie, toutes mes dents, et vive. Ah bah, à 25 ans, oui, c'est mieux. Ah, on sait jamais. Hein. 25 ans alors. 25 ans. Ah toi, j'étais sympa, je t'en donnais 23, moi. Ah, oh, mais c'est sympa. Ouais. Bah, j'espère qu'avec l'âge que je vais prendre, on me donnera encore. Oh, t'inquiète pas, tu vas prendre. Oui. Et je te rassure, à 35, on t'en donnera 45. Hein. Ah, bah super, alors je suis pas prête. Hein. Birthday time de Tiffany aujourd'hui. On a prévu quelques moments pour toi, quelques surprises. J'ai peur. Tu franchement, peux. Vous connaissant, j'ai un peu peur. Hey, comme dirait Tiffany, tremble. On parlera de l'anniversaire, évidemment, et quelques surprises pour Tiffany. Sinon, ça va bien fêter ça ce week-end. Oh, bah non, même pas. Non, tu vois, on... Même pas, rien non, du tout. Non, j'ai glandé, j'ai... Bah c'est bien fêté, rien ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais claqué, donc j'ai dormi. D'accord. Voilà. Bah ça va, hein, j'ai tout le mois de décembre pour le faire. Elle fête son anniversaire sur tout le mois de décembre. C'est un concept. Le 24 au soir. Bah oui, c'est ça, avec voilà. Tous les cadeaux. C'est un concept. Oui, ça, elle se dit, oh, je suis gâtée. Oui, c'est ça. Ah, c'est Noël, chouchou. Aurélie de la Reda qui est là aussi, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. La météo pour aujourd'hui, ça va donner quoi? Ça va donner des nuages. Il y a un risque de pluie, mais rien de bien grave. Sinon, aussi, peut-être de la neige. Oh, en Haute-Fagne. Oh. Ouais, bah c'est en toujours montagne. Toujours pour eux en premier, c'est dégueulasse. Entre 2 et 8 degrés. Ouais, mais ça annonce vendredi, j'ai vu. Bon, jeudi même. Ouais, ouais, on est mal. Ouais. J'ai pas encore mes pneus neige. On est mal. Je vais les mettre aujourd'hui, moi. Donc, ouais. Mais les pneus 4 saisons, ça fonctionne? Bah si c'est 4 saisons, oui. Oui, c'est ça. Hein. Des pneus 4 saisons. Ouais, j'ai des pneus 4 saisons. T'as cru qu'on était chez les pizzaiolo en face, toi, quoi? Jamais entendu parler des pneus 4 saisons. Au lieu d'avoir des boulons, c'est des artichauts, tu vois. Ah, je vous jure. Frisco est là comme chaque matin, évidemment. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, très bien. Eh ben écoutez. En pleine forme. Et toi, ça va? La touffe repousse, monsieur. Faites ouais, attention. Écoute, je dois faire quelque chose. Je on sais. Parle de sa touffe de cheveux. Oui, évidemment. Oui, non, je me travaille pas à poil dans les studios. Ce qui veut dire qu'il a une touffe. Mais non, que dalle. Tu veux voir? Non, non. Pitié, pas de cauchemar dès lundi matin. 6h04, il y a aussi notre Jérôme National. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, fatigué, hein, très fatigué. J'ai hâte d'entendre l'expression de Jérôme pour raconter son week-end. Ouais. Je suis nul en expression. FIFA un jour! FIFA, toujours. Ça sera juste après DJ Snake qu'on écoute maintenant sur Énergie. On vous raconte notre week-end en une expression. Vous pouvez faire pareil, hein, essayez, tiens, 30-18 par SMS, racontez-nous votre week-end en une expression. Voici DJ Snake. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumbo. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumbo. Sur Énergie, Dadju. Dadju, le nouveau Dadju. On va écouter ça sur Énergie dans un petit instant. 6h07, bon lundi. Bonne semaine avec nous, on la démarre ensemble évidemment dans la bonne humeur. Et là on va vous raconter notre week-end. Mais la condition c'est de le raconter en une expression. Une expression, vous voyez ce que c'est? Ouais. Expression, une expression. Quoi. Ouais. Expressions. Expression. Expressions. Expression pour. Genre changer son fusil d'épaule. Par exemple. Et c'est tout à fait ça, tu as compris le truc, Jérém. Expression pour raconter ton week-end. Et ben tiens, bah, vas-y, comment, je t'en prie. Je commence. T'écoute, vas-y. Noyer comme un poisson. Dans l'eau. Dans l'eau. C'est une expression qui existe, ça, non, noyer comme un poisson. Il vient de l'inventer, j'ai non. Être comme un poisson dans l'eau, mais se noyer comme un poisson. Pas se noyer, hein, noyer le poisson. Ah, noyer le poisson. Noyer le poisson, ouais. Et c'était moi le poisson. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai été trempé samedi, je marchais sous la pluie, et il y a une voiture qui a roulé dans une flaque et qui m'a éclaboussé de la tête aux pieds. J'étais noyé comme un poisson. Oh, voilà. L'horreur. Allez. Comme un poisson dans l'eau. Normalement, noyer le poisson, ça veut dire genre... Une entourloupe, quoi. Ouais, voilà. Tu racontes une carabiche. Sauf que là, c'était moi qui étais noyé, tellement j'étais trempé. D'accord, c'est un concept. Ah, ouais. Tiffany, petite expression, proverbe du week-end. Bah, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oh. Ça m'étonne, toi. Bah, je me suis mise à la cuisine, tout simplement. Et bah, j'ai fait une omelette. Réussi? Bah, plus ou moins, ouais. Et parce qu'en fait, on a reçu la meilleure amie de mon copain, qui est venue de La Haye. Et tu lui as fait le week-end. Et donc, il fallait s'occuper parce que lui, il pense à rien. Il lui propose même pas à boire, rien du tout. Du coup, je fais la bonne femme de maison. Tu veux quelque chose à boire? Tu veux quelque chose à manger? Bim bam boum. Du coup, j'ai fait une omelette. Sympa. Bah, ouais, sympa. La cuisine n'a pas pris feu? Non, ça va. Non, non, tout bon, va bien. Dans le nouvel appart. J'ai cuisiné. Alors, bah, on doit déménager. Frisco, l'expression pour raconter ton week-end. Je signe à deux mains. Ah, toi, signer à deux mains.

Yannick Jaloux. Chanson écrite pour toi, mon Jérém. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas envie de te dire ça. Basique, Camilla Camello qui va arriver dans un petit instant. On va te faire plaisir, Tiffany, puisque c'est ton birthday time. Oui, tu nous saoules tellement avec ce jeu. Le jeu du serveur? Évidemment. on va jouer au jeu du serveur dans un instant, puisque c'est l'anniversaire de Tiffany. On ne peut rien lui refuser. C'est son émission. C'est son émission, c'est tout à fait ça. Alors, on va faire ça, on va réaménager. Tu te calmes. Il y a 2000 euros de vacances aussi, si ça te botte. Ah ouais, moi, je prends tout. Eh ben, vas-y, prends, inscrivez-vous. 2000 euros de vacances qui vont tomber ce matin. On vous envoie à la montagne. Ça vous dit, allez faire un petit tour au ski sur les pistes. On va arriver là, c'est la période d'hiver qui va démarrer les sports d'hiver pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être très sympa. Vous envoyez vacances dès maintenant au 6018, vacances au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Et on vous appelle à 9h comme d'hab avec 2000 euros de vacances peut-être pour vous. Camilla Cabello, c'est ce qui arrive. Et juste après, nous allons faire donc le jeu du serveur avec Tiffany. En fait, c'est simple, hein. On se met dans la peau d'un serveur et on doit retenir une commande sans noter sur le papier. Parce qu'ils sont très forts, les serveurs, pour faire ça. Ouais, non, il y a des tueurs, hein, ils font ça pendant avec une table de 15 comme ça, tranquille, ouais. Quoi. Par contre, il y en a, quand il y a que deux personnes, ils ratent toute la commande. C'est clair, il y en a, ils ont un peu du mal. Ouais. Il y en a, il ferait mieux de noter. On joue à ça juste après sur Energy. À tout de suite. Énergie et David Guetta vous offrent votre soirée du 31 décembre grâce à la phrase Énergie. Salut la Belgique, c'est David Guetta. Écoutez Énergie et je vous offre votre soirée du nouvel an. Son, lumière et déco, on s'occupe de tout. Prévoyez des potes, ça va être une soirée de dingue avec Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur énergie.be et l'appli Énergie Belgique. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Toutes mes stars musicales préférées sont dans ma playlist Énergie. Énergie, Énergie. It's music only. Les cadeaux de Noël, c'est chez Dee. Maquillage, parfum, soins. Et jusqu'au 17 décembre, le deuxième coffret maquillage est à moins 50%. Aussi sur Dee.be. Dee, faites-vous plaisir. À la fois architecte et conducteur de travaux, il sait tout faire. Lui, c'est Yves. Yves va partout, entrepreneur en bâtiment. Il est tout terrain avec son nouveau Citroën Berlingo Van, équipé du grip control et de ses trois places à l'avant. Nouveau Citroën Berlingo Van, comme vous, il sait tout faire. Élu International Van of the Year 2019, disponible en deux longueurs à partir de 129 euros par mois. Et 50% sur toutes ses options. Citroën. Offre réservée aux professionnels. Conditions sur business.citroën.be. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté d'acheter tous vos cadeaux à la FNAC. Alors ça c'est pour Sophie, et tout cela, c'est des cadeaux de moi à moi. Pour les fêtes, découvrez à la FNAC plein d'idées cadeaux pour vos proches et pour vous-même. FNAC, libérez votre curiosité. Un petit instant, on joue au jeu du serveur ensemble. Voilà, on va devoir incarner un serveur. Tout simplement, très très simple. On se casse pas la tête, si on trouve des noms où tout est dit dans le nom en fait, finalement. Et là, nous allons faire l'infotrafic, c'est-à-dire que nous allons parler de la route. Ah, tout est dit dans le nom aussi. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous voulez aller en France, ça va être un peu compliqué si vous passez par le 19 parce que la frontière est complètement fermée en raison d'une action des gilets jaunes. Soyez prudents. Et puis, sur le 411 au sud du pays, comptez 24 minutes en plus entre Stockholm et Stirpenich. Courage! Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you. At the thunder, ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Tout en douceur. C'est lundi, hein, pas haut. Bon lundi avec nous, en tout cas sur Énergie. Clean Bandit, c'est ce qui va arriver dans un petit instant côté hit. Et nous allons jouer au jeu favori de Tiffany. C'est son birthday time, c'est son anniversaire aujourd'hui. Si vous voulez lui souhaiter d'ailleurs, aller sur notre groupe Facebook, hein, c'est les Fifous du 6-9 sur Énergie. Il y a une petite photo, tu es magnifique avec ton bonnet, ton petit chapeau oui, d'anniversaire. J'ai vu ça. Et bon, hein? Bah, pas mal. J'ai jamais été aussi belle. On est un peu photoshopé, on avoue. Ouais, léger. C'est ça. Léger. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour en trouver sur Facebook. Comme ça, vous lui souhaitez un happy birthday. Elle est contente et on passe à autre chose. Le jeu du serveur. T'as envie de faire le serveur? Ouais, pourquoi pas? Ouais. Allez. C'est parti. Tiffany est notre serveuse ce matin et nous allons lui passer commande. Commande pendant une minute. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête évidemment. Et le but c'est qu'elle retienne, la commande. Et, okay. Et tout nous ressortir dans l'ordre à la fin. Mm-hmm. Tu te sens prête? Ouais. Eh ben, comme tu veux, c'est parti. Commande, allez-y, commandez. Alors, moi j'ai la dalle. Du coup, je vais prendre un carbo. D'accord. Sans champignons, parce que certains carbos, ils mettent des champignons, c'est n'importe quoi. Tu prends un carbo avec donc du parmesan au-dessus. Et sur le côté, un coca en apéro, une grande bouteille d'eau plate et un tiramisu en dessert. Ok. On l'a déjà perdu, je crois. Non, c'est bon. Moi, je vais pas prendre de dessert, mais je vais prendre une entrée. Je vais prendre une croquette aux crevettes, persil, tu frites là, tu sais. Et puis en plat, je vais prendre un carpaccio de thon avec des frites et un coca normal pour boire. Il reste 30 secondes. Aurélie. Ouais. Moi, je vais prendre des pêches au thon en entrée. J'ai envie de pêches au thon. Ah oui, et puis un steak bien cuit avec des frites et de la salade et un coca à zéro. Ça va, c'est noté. Alors, moi, je prends un menu de Noël. Mais non, tu peux pas noter. Mais sans Noël. D'accord. C'est-à-dire sans la glace, le chapeau, là, la boule rouge, j'en veux pas. Mm-hmm. Je vais prendre un magnum à la place. Et alors, en plat, je change tout. Je vais prendre une biche fourrée à la carotte. D'accord. Ça existe. le truc bien dégueu. Pour Marco, c'est un menu. Non, de dans l'ordre. Moi d'abord. Tu commences par Frisco. Hey, oh. Frisco, toi, tu vas prendre un carbo sans champignons parce que dans certains restos, ils mettent des champignons, c'est n'importe quoi. Avec un petit peu de parmesan, un verre de coca et alors une bouteille d'eau. Ouais. Et en dessert, un tiramisu. Oh, je pensais qu'elle allait oublier le tiramisu. On est bon. Et bim. Ouais, c'est bon. Jérém, j'allais t'appeler autrement. Jérém, tu vas prendre. T'allais m'appeler Germ. Oui, voilà. Tu vas prendre une croquette de crevettes en entrée avec du persil, tout ça, tout ça. Ouais. Et un carpaccio de thon. Et tu vas prendre un coca, mais tu prends pas de dessert. Auré, toi, tu vas prendre. Tu vas prendre des pêches au thon parce que t'as très faim. Mmh. Et alors un steak frites avec un coca. Et pas de dessert. Et c'est tout, non? Non. Et la cuisson du steak. Ah, à point. Oh, c'était ça. Non, t'as pas donné. Non, bien cuit. Ah, bien non, cuit. Moi aussi, c'était bien cuit. Et j'ai un trou. Et ma salade. Ah, oui, alors un steak frites salade, quoi. Oh, genre, ça coule. Mais le coca, il est zéro. Hein. Zéro, ouais. Attention. Hein. Zéro, c'est vrai. Et par contre, tu vas prendre un menu de Noël, mais sans Noël. Donc, pas de petit chapeau, tout ça, et pas de, de glace. Hein. Donc, tu vas juste prendre un magnum avec une biche fourrée à la carotte. Mais oui. Mais comme elle dit ça, une biche fourrée à la carotte, genre c'est normal, tu vois. Genre, ça existe. Bah, tu sais, ça peut être super bon. Et, je suis sûr qu'il y a des cuisiniers, ils nous écoutent. Hey, c'est pas mal, ça. Attends. Une biche fourrée à la carotte. Je vais l'appeler la marque. Bah alors, s'il vous plaît, les cuistots qui nous écoutent ce matin, si vous voulez faire ce plat, vraiment par pitié, ne coupez pas la carotte. La biche préférera. Oui. Et pas cuite la carotte. Oh. On écoute Clean Bandit, Dinoro qui va arriver sur Energy. Bon réveil, 6h25, bienvenue. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Not to you. Cause every time I read your message, I wish it wasn't. Chaque lundi, pardon, mec, il est déjà mercredi. En plus, vite de mercredi. Chaque lundi à 6h35, on vous fait les blagues du 6-9. Et dans un petit instant, c'est toute l'équipe qui s'y colle. Même toi, Tiffany, tu vas nous sortir ta meilleure blague. Ah, ça. En ce jour d'anniversaire, elle doit être bonne, je le dis. Ah, oui, il y a du niveau à donner. Dinoro, c'est ce qui va arriver côté juste après les blagues et les infos à 6h30. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we touch, boy, you make me feel weak. I can tell you're shy and I think you're so sweet. Spending every night undercover saying, still I wonder, could you fall for a woman like me? Woman like me, like a woman like me. La la la, woman like me, like a woman like me. Woman like me, yes, a woman like me. Soon as I brush up on them, I could tell he like me. You know all the man down, my trifle swipe me. Now that he could afford to ice me. Tell him that's a bad trendy bitch in all your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? A million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch shit up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It's the queen and little mix. Skated on, I'm sorry. My daddy is Indian. All this curry. Young money. À la recherche du cadeau idéal, trouvez-le dans un magasin Crefel ou en quelques clics sur crefel.be/KDO. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. 6h30 sur Énergie, voici un petit point sur l'actu de ce lundi 10 décembre. Avant ça, la météo, c'est important et c'est pour aujourd'hui. Ça donne quoi ? Le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, on aura pas mal de nuages avec tout de même un risque d'averse, voire de neige en Haute-Fagne. Côté température entre 2 et 8 degrés. L'actualité de ce lundi 10 décembre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Charles Michel a décollé pour Marrakech hier soir. Il participe à la conférence internationale consacrée au pacte de l'ONU sur la migration. Un pacte qui a fait voler en éclats la majorité au sein de notre gouvernement. Ce week-end, la NVA a donné sa démission, ne voulant pas soutenir le texte. Du coup, le Premier ministre a redistribué les compétences ministérielles détenues par les nationalistes flamands. Certains ministres actuels vont cumuler. Les finances ont été confiées à l'OpenVLD Alexander De Croo. Peter De Krem du CDNV hérite de l'intérieur et Maggie Debloc reprend l'asile et la migration en plus des affaires sociales et de la santé. Enfin, le MR Didier Reynders reprend la défense en plus des affaires étrangères. Hier, première conférence de presse de la nouvelle équipe, Charles Michel a souligné les trois priorités de son nouveau gouvernement. Il s'agit de l'économie, de la sécurité et du climat. Il veut notamment renforcer le pouvoir d'achat ou encore améliorer les mesures environnementales du pays. En France, le président Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h. Une déclaration qui fait suite à une nouvelle mobilisation nationale des Gilets jaunes samedi. Le président devrait annoncer des mesures concrètes et immédiates pour répondre à la crise. Enfin, en sport, en football, on jouait la 18e journée de championnat ce week-end. Hier, Gand s'est imposé 2-0 face à Eupen. Et puis Charleroi et Anderlecht ont terminé sur un nul 1-1. Ouh, je les adore ces petits foufous du matin. Le 6-9 sur Énergie. 6h33 sur Énergie, bonjour. Bonjour. C'est lundi, lundi 10 décembre, ça y est, vous pouvez l'ouvrir à la fenêtre du 10. Un beau chocolat vous attend dans le calendrier. Oh ouais, oui, j'ai abandonné le mien, moi je suis dégoûté. C'est vrai? Ouais, ouais. Bah, on fera 4 à manger pour aujourd'hui, c'est très bien. Ouais, ça. Crise de foie. Hey, Dino, on écoute ça juste après, c'est les blagues du 6-9. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. In my mind. 6h35 sur Énergie, le nouveau Drake. Avec Bad Bunny. J'aime beaucoup ce nouveau Drake, très sympa. Ça va arriver dans un instant, 6h35, c'est lundi. Voici les blagues du 6-9. C'est les blagues, c'est les blagues, c'est les blagues du 6-9. C'est comme ça tous les lundis. Eh oui, on l'a dit, eh oui. On peut plus. C'est les blagues du 6-9. Bon, la prochaine sera la bonne, j'espère, parce que moi aussi, j'ai dit c'est comme ça de temps en temps. Non, c'est tous les lundis. Tous les lundis. On va dire de temps en temps, puisque c'est tous les lundis. Bah oui, mais bon, voilà. Branchez le cerveau, les gars. On y va, les blagues du 6-9. Tiffany, je te laisse l'honneur, c'est ton anniversaire. Ouh là là là là là là là là. Envoie du lourd. Alors, c'est deux blondes qui font du vélo. Par, alors, c'est pas bon. Ouais, ouais, c'est deux blondes qui font du vélo. Alors, du coup, d'un coup, l'une saute de son vélo et dégonfle les pneus. Et sa copine lui demande: mais enfin, pourquoi tu fais ça? Bah c'est parce que je suis trop haute sur mon vélo, qu'elle répond. Et alors à ce moment-là, la deuxième met son guidon à la place du siège et le siège à la place du guidon. Et la première lui dit: bah, enfin, mais pourquoi tu fais ça? Elle fait: oh, moi je fais demi-tour, t'es vraiment trop belle. Trop belle. Belle, allez, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, on voit que t'as bossé ce week-end. Hein. Ouais, t'as vu? Non, il y a un 2 sur 10. Pas plus. J'aurais bien payé. Ouais. Frisco. Alors c'est deux potes qui parlent, il y en a un qui est un peu plus dégoûté de l'autre et il fait purée, je suis dégoûté, ma femme ne parle plus depuis 3 jours. Et t'as son pote qui fait: essaye de la garder, c'est devenu rare une femme comme ça de nos jours. J'aime bien parce qu'il y a Auré et Tiffany. Oh, j'en ai blague une autre, de macho. J'en ai une autre pour les plus féministes. Plus ça vaut presque 5 balles, si tu veux. Non, mais j'en ai une autre. Je peux me dédouaner. Je peux me rattraper. C'est donc une femme qui parle à sa psychologue. Et donc la psychologue dit: très bien, la prochaine fois, nous travaillerons avec l'inconscient. Et la femme répond: je ne pense pas que mon mari puisse venir. Voilà, j'adore la réaction typiquement féminine et de l'autre côté la réaction typiquement masculine. Voilà, je me suis rattrapé. Magique. Très bien. Pas mal, pas mal. Allez, je vous en fais une vite fait avant de la passer à JRM. J'en ai pas mal, mais j'en ai une vite très rapide. Ouais. Un jour, Dieu dit à Casto de ramer. Et Castorama. Ouais, c'est vrai. J'en ai d'autres après. JRM. Bah, c'est deux petits vieux qui sont ensemble depuis 50 ans. C'est Monique et Hervé. Et Monique dit à Hervé: ce serait bien qu'on fasse quelque chose de différent pour réactiver un peu notre libido et tout. J'ai une idée, Hervé. Demain matin, on va déjeuner tout nu. Alors Hervé, tu sais, ouais, allez, pour faire plaisir à Monique, il dit OK. Et puis le lendemain, ils sont dans leur véranda en train de déjeuner. Et puis t'as Monique qui fait: oh, ben tu vois, Hervé, hein, en te regardant comme ça manger tout nu, ça me fait chaud au cœur. C'est normal, Monique, il y a ton sein à gauche qui tremble dans le café. Hey, fais gaffe avec l'âge, Tiffany, ça peut tremper dans le café. Oui, après. Bah oui. Moi, j'espère pas, dis. Des fois, à 25 ans, ça tremble déjà dans le café. La vette. Hein. La vette. La vette. Pas vette. Non. Et on en parle ou pas? Non. C'est rare. Allez, j'en ai deux et je finis avec ça. Quel est le point commun entre les maths et le sexe? Moi, j'ai toujours été nul en maths. Bah, plus y a d'inconnus, plus c'est chaud. Bon, on finit avec une mignonne, on peut pas finir avec ça. Que fait une fraise sur un cheval? Tagada. Oui, bah, il fallait finir avec de la mignonnade, hein, après du crade. Voici Bad Bunny. Bad Bunny et Drake, c'est le nouveau sur Energy. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. À 15 jours des fêtes quand même, 2000 euros de vacances encore pour vous toute cette semaine. Tous les jours on vous offre ça. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. Hey, tu m'étonnes que c'est cool, c'est tout frais payé, c'est Énergie qui régale. 2000 euros pour partir en vacances, vous choisissez en plus la destination. Trop bien. On vous donne le budget, après vous débrouillez avec ça, j'ai envie de dire. En même temps, débrouiller avec 2000 balles, moi je t'inquiète pas que je trouve une solution rapidement. Ah oui, ah, bah, mais je me débrouille très bien. Hein, solution ouais. Offensive. Si vous voulez partir en vacances, 2000 euros, ça tombera à 9h ce matin pour vous. La chance est peut-être pour vous ce matin, je vous le souhaite. Ça peut être un bon lundi, qui sait. Il suffit de vous inscrire et arrêter de vous dire que la chance arrive qu'aux autres, il faut jouer. Oui. Eh bien, c'est vrai. Tant qu'on ne joue pas, on ne gagne pas. On ne gagne pas, c'est assez logique. Vous envoyez un petit code, c'est le mot code vacances, tout simplement. Vous tapez ça sur un SMS. Hein, et vous envoyez ça au 78 6 0 1 8, le mot code vacances. Au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. On vous appelle à 9h et on vous offre 2000 euros de vacances. La montagne ou la plage, à vous de choisir. Ouais, sympa. Lady Gaga avec Bradley Cooper, c'est ce qui arrive dans un instant. C'est génial. Si un jour on m'aurait dit que Bradley Cooper, on allait l'annoncer sur Énergie en tant qu'artiste musical. Ouais, c'est fou, dingue. Hein. C'est dingue. Mais il chante très très bien. Il chante très très bien. Il joue bien de la guitare en plus. Bradley Cooper, Lady Gaga, ça arrive par la suite des hits. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. I guess you look happier, you do. Les plus gros hits en voiture. Taki taki rumba. Les plus gros hits au travail. Énergie. Give me the hit music. It's music only. Hey, nouveau smartphone? Ouais mec, histoire de fou. Je suis rentré dans le magasin là et j'ai dit « Bonjour, je vous donne 10 euros pour ce smartphone de dingue. » Et le mec me regarde et il me dit « Ok. » Mais non. Je te jure. Alors je lui donne mon billet de 10. Et alors? Il m'a donné le smartphone. Et ça aussi. Ah, c'est quoi? C'est 1 euro. En ce moment, avec les abonnements mobiles de Proximus, vous recevez un super smartphone à partir de 9 euros. À vous de choisir. Infos et conditions sur proximus.be. Aldi et ce que certains en disent. On entend souvent du café Aldi. Brouf. Pour un bon arôme, il faut choisir une marque chère et connue. Eh bien non. Chez Aldi, nous affirmons le contraire. Ça fait des années que des experts en café composent en exclusivité pour Aldi des mélanges uniques de grains de café issus des meilleures plantations du monde. Ça se goûte et des tests indépendants le prouvent. Vous en doutez? Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, goûtez vous-même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. C'était le soir de Noël, où la magie opère dans les chaudières. Tous étaient venus les bras chargés de chaudières. Mais à table, l'ambiance était devenue complètement chaudière.

C'est Black Eyed Peas avec Don't Funk With My Heart qu'on va écouter. J'adore ce titre. Oh, trop bien. We've got accent in English. Yeah. 6h51, voici le Maxi Hits. Maxi Hits. On refait tous les jingles ici. Maxi Hits, on rappelle le concept très simple. Vous allez devoir pendant 30 secondes faire deviner à des fifous qui sont là ce matin un maximum de hits avec qui nous allons jouer. Avec Julie qui travaille comme assistante sociale dans un PMS dans la région de Bruxelles. Elle a deux enfants qui s'appellent Isaiah et Sohan. Elle aime la musique en général et elle va à des concerts. Elle est aussi passionnée de cinéma et de théâtre. Sa musique du moment d'ailleurs, c'est l'album d'Orelsan qu'elle écoute en boucle. Enfin, c'est pas vraiment sa musique, mais... Il a demain d'ailleurs, Orelsan. Ouais. Demain, choqué chez RG avec Orelsan, c'est énorme. Hey. Et alors, il y aura Gary aussi. Gary qui travaille comme chauffagiste dans la région de Clavier. Il aime passer du temps avec sa copine qui s'appelle Vanessa et qui avec qui il est depuis un an. Il aime aussi regarder l'émission Cauchemar en cuisine avec ton pote Philippe Etchevez. C'était son plat préféré, c'est le couscous. Ah, un bon couscous. Oh, ça fait longtemps un couscous. Oh, bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue Julie. Bonjour, ce matin. Julie. Bonjour à Gary également. Bonjour à tous. Bonjour Gary. Soyez les bienvenus tous les deux. Nous allons jouer donc à Maxi Hits. Et vous allez chacun choisir avec qui vous avez envie de jouer. Honneur aux femmes et évidemment honneur aux dames. Julie, tu as envie de jouer avec qui? Il y a Frisco, il y a Jérém, Tiffany, qui peuvent te faire deviner un maximum de hits en 30 secondes. Bah, Tiffany, c'est son anniversaire, non? Donc, je pense qu'elle est au taquet. Au taquet, Julie, au taquet. Tu m'étonnes qu'elle est au taquet et comment qu'elle est au taquet. Tiens, voilà déjà le bocal. Et Gary, t'as envie de jouer avec qui? Jérém, Frisco? Oh, allez, avec Jérém. Ok. Avec Jérém. Équipe de mecs contre équipe de filles. C'est un peu ça. Julie. Tiffany, vous jouez ensemble. Je rappelle donc Tiffany, je vais enclencher le chronomètre de 30 secondes. Tu dois faire deviner un maximum de hits à Julie, ok? Ouais. Sans dire l'artiste, sans dire le titre, sinon c'est trop facile. Ok, d'accord. Black Eyed Peas avec Don't Funk With My Heart. Ouais. Non, je ne peux pas donner l'artiste ni le titre. Oui, mais bah je peux oui. chanter. C'est le concept. Tu peux chanter. Il y a le titre dans la chanson. Ouais, tu peux le chanter. Tu peux le chantonner. Ah, je peux le chanter. Mais tu fais la la la la la. Ah ouais, ok. Pire. D'accord. Allez. T'es prête? Ouais. Julie, t'es prête? Ben on va essayer, ouais. Allez, c'est parti les filles. Poum poum poum poum poum poum poum poum poum poum poum poum poum poum. Julie. Basique, simple. Non, non. Décris-le. Il est roux. Il est roux l'artiste. Il est anglais, il est roux. Ouais. Alors. Oh, rien à voir. Nanana. Mais qu'est-ce que ça te fait si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copier-coller? Time. Ouais. Oh là là. C'est fini. Alors, je tiens à dire que là, on a... Bon, c'est ton anniversaire, on va pas chipoter. Mais l'artiste, que l'artiste, c'est facile. Hein. Normalement, c'est le hit, le titre. Ok, d'accord. Enfin, le tout, quoi. C'est moi-même qui n'ai pas compris les règles. C'est pas grave. C'est ton anniversaire, je ne vais pas t'en vouloir. Et honnêtement, je vais même vous dire, ce jeu, dans cette manière-là, il est très bien. L'artiste ou le titre, c'est très bien. Ok. Vous inventez des nouvelles règles, mais qui sont pas mal, on les valide. Voilà. Bon, allez, on a deux bonnes réponses, Julie, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, tu as compris, Gary, si t'as que l'artiste, c'est pas grave, on validera. Donc, on peut inventer des règles. Donc, une réponse égale deux points pour nous. Non, ok. Vous êtes prêts, les gars? Jérém, Gary, c'est parti. Ouais. Toi et moi, nanana, la nuit s'emballe. Allez, c'est un beau gosse, il a repris du Claude François. M. Pokora. Ouais. Je peux jouer, je peux prendre un point ou pas? Je connais pas, je passe. Oh, the Canada Ladies! Oh, the Single Ladies! Oh, the Single Ladies! Michael Jackson! Hein? Non, pas Michael Jackson, c'est une fille! Elle est biche, elle est. Beyoncé! Elle joue! Mais Julie, il faut pas jouer! Oui. Bon, je passe! Oh non! C'est une victoire de Julie ce matin! Mais Julie, t'es folle, faut pas donner les titres aux autres. Julie, elle est fair play. Mais non, mais c'était pour lui donner un point, pour le principe. Ouais, mais après, Julie... ça faisait 2-2, et après, hop, t'étais dans la... Hein. Julie est très sympa, quand même. Ouais. Eh ben, vous savez quoi, là, ce matin, je vous offre du cadeau à tous les deux. Ça a été un plaisir de vous avoir si tôt, vraiment. Cadeau pour Gary, cadeau pour Julie. Bon, Julie, sympa. Bisous à vous deux, bonne journée. Ah, merci, bonne journée à vous aussi. À bientôt, les fifous. Je vous repasse Tiffany, voyez avec elle pour le cadeau. Voici les Black Eyed Peas sur Énergie, ça fait plaisir, ça. 6h56. You know you got me, got me. With your pistol, shot me. And I'm here helplessly in love and nothing can't stop me. It can't stop me once I start it. Can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it. So let's be about it. No, no, no, no, don't funk with my heart. Baby, ask me trusting, trusting when I come with lust and lusting. Cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want your body, I want your mind too. Interesting is when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeah. I wonder if I take you home. Once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, no, no, no, don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Don't you worry. D'écouter un bon Black Eyed Peas. Ça fait plaisir. Après, 6h59 sur Energy, c'est le birthday time de Tiffany aujourd'hui. Bon anniversaire Tiffany. Birthday time avec toi Tiffany, encore et encore. Dans un instant, on fait ça avec elle sur Energy après Marshmello. You fight like hell, but you're barely alive. Work so hard, just trying to survive. Head's underwater and your hands are tied, I know. Dream so big, eyes are wide. That's the kind of life that I can't provide. It breaks my heart how you feel tonight, I know. Lean into me, with you back in your mind. When you're broken inside, ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down on me. Ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down. Take no time coming up for air. There's a deeper feeling that this life's not fair, I know. Lay your worry down on me. 7h02 sur Énergie. Bonjour. And you're listening to Énergie. Dans un petit instant, c'est le Morve des Time avec Tiffany sur Énergie. Avant ça, voici la météo. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura quelques nuages avec un risque d'averse, surtout sur le nord et en Ardennes. On pourrait aussi avoir de la neige sur les Hauts-de-Fagne, côté température entre 2 et 8 degrés. L'actualité de ce lundi 10 décembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le pacte de l'ONU sur les migrations sera adopté aujourd'hui à Marrakech au Maroc. Au total, plus de 150 pays participent à cette conférence internationale malgré les tensions. Chez nous, par exemple, le pacte a fait sauter la majorité au sein du gouvernement. Ce week-end, la NVA a donné sa démission ne voulant pas soutenir ce fameux texte. Du coup, le Premier ministre a dû redistribuer les compétences ministérielles détenues jusqu'à présent par les nationalistes flamands. Et certains ministres vont devoir cumuler. Les finances ont été confiées à Alexander De Croo, Open VLD. Peter De Crem du CDNV hérite de l'intérieur. Maggie De Blocq reprend l'asile et la migration, en plus des affaires sociales et de la santé. Et enfin, le MR Didier Reynders reprend la défense, en plus des affaires étrangères. En France, le président Macron doit s'exprimer ce soir à 20h. Cette déclaration, elle fait suite à une quatrième journée d'action des Gilets jaunes, samedi. D'après certains, le président français devrait annoncer des mesures concrètes et immédiates pour répondre à la crise. Enfin, en sport, en football, on disputait la 18e journée de championnat ce week-end. Hier, Gand a battu Eupen 2-0. De leur côté, Anderlecht et Charleroi ont partagé l'enjeu un partout. Monsieur, bonjour, que puis-je faire pour vous ? Oui, c'est pour un entretien. Ouais. Ça surchauffe ici, c'est lent, là. Ouais. C'est plus aussi vif, quoi. Oui, mais je vois. Mais vous aussi, vous auriez besoin de booster votre cerveau. Ah oui ? Chez Switch, tous les produits Apple sont désormais fournis avec un accès gratuit au programme Booster votre cerveau. De plus, vous profitez de 6% sur tous les modèles Mac. Switch, upgrade life. Conditions dans le magasin ou sur switch.be. Chez Cora, action 2 plus 1 gratuite sur le délicieux Bordeaux Mouton Cadet 2016. Soit 6,13€ la bouteille. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, à déguster avec sagesse. C'est son anniversaire aujourd'hui à Tiffany les copains. J'aimerais que vous l'appelez. J'aimerais que vous l'appelez. Je vais même faire mieux. Juste après Marshmello, j'appuie sur les boutons. Tu vas quitter le standard. C'est moi qui vais gérer. Et on fait une ligne ouverte. 0800 234 56. C'est gratuit. Vous nous appelez juste après. I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. We ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. Énergie, Lizzo dans un instant. Baby, I don't need you. I don't need. Et ça va être le moment de vous lâcher. Eh oui, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Happy birthday, mon poussin. Eh oui, mon poussin, bon anniversaire, ma Tiffany. Merci. C'est son anniversaire à Tiffany aujourd'hui, eh oui. Ça te fait quel âge? Un quart de siècle. 25? Ouais. Oh, c'est beau. 25 ans aujourd'hui. C'est super beau. Fraîche comme la rosée du matin. Oui, tombe pas, tombe pas. Fraîche. C'est midi. À l'occasion, nous avons décidé de faire ce matin une ligne ouverte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui appellent vont pouvoir passer à l'antenne pour te souhaiter un bon anniversaire. Pour passer un petit mot. Vous nous appelez, c'est 100% gratuit. En plus, c'est fifou ce matin, donc pas de chichi. C'est le 0800-23456 qu'il faut composer pour nous appeler. 0800-23456. C'est gratuit. Appelez-nous pour souhaiter un bon anniversaire à Tiffany. Voilà, on attend. Ouais. T'imagines, il n'y a personne qui appelle. Ouais, c'est ça. Autant non, te dire que tu n'as pas un grand succès. Non, mais c'est normal, je suis la petite nouvelle dans l'équipe. Non, là, ça n'appelle pas vraiment beaucoup. 0800 2 3 4 5 6. C'est méchant. Cette séquence peut être un flop si vous n'appelez pas. On a déjà Marie qui est là. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Joyeux anniversaire. Merci Marie. Qui veut aussi te souhaiter un joyeux anniversaire. Les petits. Mathilde. Ah, ben voilà. Joyeux anniversaire, compagnie. Ça me fait trop plaisir. Bonjour. Merci, ainsi que c'est qu'à chanter la vidéo Jingle. Ah, c'est toi. Oui, Mathilde. Eh ben, cette vidéo va arriver parce qu'il est magique. C'est Mathias ou Mathis? Mathia, à l'italienne. À l'italienne, voilà. Fait. Eh ben, Mathia, il a fait le générique, copain. Ça va arriver dans les prochains jours. À mon avis, ce sera à la rentrée en janvier. Vous allez voir. Ça va lui faire plaisir. Sache-le, Mathia, tu t'entendras à la radio bientôt. On est en train de travailler génial. Dessus. Voilà. Je voulais vous dire que vous êtes une équipe super. Ne changez pas. Vous êtes extraordinaire. Oh, ben, merci beaucoup, Marie. Merci. On te fait une bise, et puis à bientôt, une belle journée. Et gros bisous, Marie. J'espère à bientôt. Hein. Bisous, Marie. Gros bisous, salut Marie. On fait vite parce qu'il y a du monde en fait. Hein. Là, t'as un succès. Salut Marie. Trop bien. Daniel est là, bonjour. Happy birthday to you, Tiffany. Happy birthday to you. Eh ben Daniel, on dirait Marilyn Monroe. Tu peux la concurrencer. Bon anniversaire, Tiffany. Bon anniversaire. Ouais. Et demain, c'est l'anniversaire de mon petit-fils qui aura 13 ans. Ah, bah bien, ah bah voilà. Vous êtes synchro. Eh ben, merci, voilà. Daniel. Super, merci, Daniel. Vous êtes synchro. J'espère que ça sera une très très bonne journée avec toute l'équipe. J'espère aussi, elle commence bien. On te souhaite une belle journée, Daniel. À bientôt, des bisous, Daniel. On a qui d'autre? Il y a un monde de dingue, c'est la truc de fou. Ouais, si. Zach Aïssa, bonjour. Bon, Aïssa, Zach. Bonjour. Zach, c'est Zach. Zach. Ah, merci, Zach. Zach. Ça fait 25 ans. 25 ans. Un quart de siècle et toutes mes dents. Ouh. Encore. Oui. On n'a pas tout entendu, Zach. Je te fais des bisous, mon Zachou. Il y a Ludo. Il y a un monde de fous. On va vite faire tout le monde. On n'aura pas le temps, je pense, de faire tout le monde. Tu nous as pété le standard, Tiffany. Bravo. Oui, trop bien. Il y a Ludo qui est là. 0800-23456 pour nous appeler. C'est gratuit pour souhaiter l'anniversaire de Tiffany. Bonjour, Ludo. Bonjour, les petits fous. Bonjour. Comment ça va, Ludo, ce matin? Ça va et vous? Très bien, très bien. Tiffany est là. Elle a ouvert ses écoutilles. Là, je suis au taquet. Elle t'écoute, Ludo. Bonne année pour le quart de siècle. Ah, ben merci Ludo, ça me fait plaisir. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie, carrément. Une nouvelle vie, bah oui, hein, il ne reste plus que 75 ans. J'ai surtout envie de dire une nouvelle hygiène de vie. Enfin, on y est. À partir de 25 ans, fini les frites tous les jours, sinon tu deviens comme moi. Ouais, on verra. On te fait des bisous, Ludo, à bientôt. Des gros bisous à tous. Bisous. Alors, attendez, on va faire un truc, vous savez quoi, regardez. Attends, tu veux que je les mette tous? J'ai fait du bazar. Regarde, on met tout le monde à droite. Oula, je fais n'importe quoi. Hop là. Non, t'as tout raccroché. Ah bah voilà. Bah bravo. Attends, tu sais quoi, Marco? C'est quoi ce standard? Il y en a d'autres qui appellent, je réponds. Bah, je réponds à tout le monde, mets tout le monde sur la une, voilà. Et alors là, tous ensemble, les amis, attention, la cacophonie de ouf. À zéro, vous dites tous ensemble joyeux anniversaire à Tiffany parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout le monde. 3, 2, Joyeux anniversaire. Oh, c'est trop chouette. Ah, merci, oh, ça les fait trop plaisir, merci en tout cas. Ouais, il y avait du monde, hein. Je fais un bisou à tous ceux qui étaient là. Ouais. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui. Parce que là, j'ai entendu un chauffeur d'Uber et au moins, je partage la route avec vous, quoi. Oh, bah, c'est sympa. Merci. Ah. Eh ben, merci de nous écouter chaque matin. On vous fait des bisous, les fufous. Merci d'avoir appelé ce matin. Et bon anniversaire encore à toi, Tiffany. Merci. Mais de rien, ça fera 50 euros. Lidzo, on écoute ça maintenant sur Énergie. On revient juste après. On a le mot gagnant. Et puis, vous souvenez, on avait parlé des mecs là ce week-end. J'espère que. Oui. Ah oui, oui. Ils reviennent dans un instant pour nous dire s'ils ont eu leur examen et si tout s'est bien passé. Ouais, c'est chouette. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come get me down, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I hit puppy. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's two plus two? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I wanna be. I heard you a freak too. That's right. What's two plus two? Sur Énergie, merci d'être là. On a du Klingon avec Broken Back dans un petit instant. Klingon, Broken Back qui va arriver côté Nitya du Etchiran aussi pour vous ce matin. On va revenir sur le week-end parce que rappelez-vous, c'était vendredi. Hein. Ouais. On avait eu, si je dis pas de bêtises, Nathan et Bastien qui étaient avec nous, ouais, et qui avaient en fait expliqué. Nathan, si je dis pas de bêtises, avait dit qu'il avait passé ses examens ce week-end. Enfin, une partie en tout cas. Ouais. Et Bastien, tiens, je me souviens plus, c'était quoi? Bah, qu'il allait courir et qu'il voulait battre son record. Exactement, bien vu, Jérémy. Ouais. Battre le record de course à pied. Et bon, on va voir si les deux ont réussi à faire ça bien. Ouais, voilà. J'adore ce genre de truc. Ouais, c'est ouais. Petite histoire. Voilà, on prend des nouvelles. Série, quoi. C'est ça. C'est l'épisode numéro 2, là. Pas dans un instant. Ne bougez pas, on revient juste après Klingon et Broken Back sur Énergie. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez, vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur energie.be. La playlist énergie inspirée par vous. Les cadeaux de Noël, c'est chez Dee. Maquillage, parfum, soins. Et jusqu'au 17 décembre, le deuxième coffret maquillage est à moins 50%. Aussi sur Dee.be. Dee, faites-vous plaisir. À

7h24, Ed Sheeran dans la suite. Bon, écoutez ça dans quelques secondes pour vous sur Énergie. Et on va revenir avec un moment qui a eu lieu dans l'émission vendredi. C'était à la même heure en fait, ouais. Pour tout vous dire. Vendredi à la même heure, on se disait ce week-end, j'espère que. Trois petits points. Et il fallait compléter la phrase. Beaucoup à espérer, beaucoup ce week-end. Il y en a pour qui ça s'est fait, d'autres pour qui ça ne s'est pas fait. Et on a gardé Bastien et Nathan. Je me suis dit, tiens, on les rappellera lundi à la même heure pour savoir si ça s'est bien passé. Bastien est avec nous ce matin. Bonjour Bastien. Allô. Salut. Comment ça va Bastien? C'est la radio. Oui, c'est la radio. Ouais. Il est pas tout seul là. Bastien, vendredi, tu nous appelais, tu nous disais que ce week-end tu comptais battre ton record de course à pied, c'est ça hein? C'est la radio, c'est ça. Et alors? Record battu. Bastien. Oui, je vais. Tu peux répondre à ma question s'il te plaît. Record battu ou pas? Oui. C'est vrai? Oh, bravo! Bravo! Tu nous as fait plus de 11 km alors. 11 km de 100 en 50 minutes. Excellent. Ah bien. Bravo. Oui, bon, il a juste fait 200 mètres de plus en fait. Hein. Il a gagné 5 minutes aussi. 5 minutes. Ah oui, bien. C'est ce que Bastien me disait hors antenne. Donc gagner 5 minutes et 200 mètres de plus, c'est pas mal. C'est bravo, bravo, bravo. Un petit pas pour comment, vous, attends, mais un grand pour Bastien. Et Bastien, t'as fait comment? Mais il a couru. Bah j'ai couru. Non mais ça fait quand même longtemps qu'il essaye de battre ce record. Je me demande, est-ce que t'as pensé à quelqu'un, à quelque chose? J'avais pensé le faire il y a 6 mois, augmenter mon score. Ah bah c'est bien, bravo, c'est battu, bravo à toi, bravo mon Bastien. On te fait des bisous en tout cas, et 11 km 400 demain, et 11 km 800 après-demain, et 600, et voilà, plein de choses. Ça va? Et je tiens à dire bon élève vert à Tiffany. Bon élève vert. Merci Bastien, ça me fait trop plaisir. Le message est passé, bisous à toi Bastien. Il y avait Nathan aussi qui nous avait appelé vendredi. Bonjour Nathan. Mais vous l'avez fait? Vous m'avez téléphoné? Mais oui, oui. Non mais des fois je crois que c'est une blague du coup voilà. Bah non, tu vois Nathan, on t'a rappelé. Comment ça va mon pote? Bah ouais, bah ça va et toi? Très très très bien. Nathan. Bon anniversaire Tiffany. Ah mais merci. Mais voilà, le message est passé. Nathan, est-ce que voilà. Je peux mettre aussi Samba de Janeiro? As-tu réussi ton examen ce week-end? Bah écoutez, j'avais eu sciences économiques et je pense que oui, j'ai réussi. Bravo. Ouais ouais. J'aime beaucoup le « je pense que oui ». Et t'auras quand la réponse? J'ai la réponse dans 2 semaines. Ah, et ben on te rappelle dans 2 semaines. Épisode 3. Non mais sérieux, le mot « je pense que ça peut tout flinguer quand même. Oui, c'est vrai, ça peut tout flinguer, je pense. Et ben écoute, bravo à toi Nathan, c'est une très belle journée. Ouais. Je peux faire un gros big up. Vas-y, vas-y. Juste, à toute mon école, Sainte-Marie-de-Huy, et alors à mon frère Lucas, qui est certainement en train de m'écouter. Du coup, voilà. Eh ben, le message est passé, mon Nathan. Bisous à toi, mon pote. Bisous, Nathan. Bisous. À bientôt. Et courage, c'est vrai, pour tous ceux qui sont en examen en ce moment. Courage à vous. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Get personal, baby. If you're moving on with someone new, 'cause

La Déclaration universelle des droits de l'homme a 70 ans aujourd'hui. À cette occasion, on apprend que la Belgique a encore des efforts à faire dans son dernier rapport. Amnesty International pointe surtout la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. L'organisation pointe aussi notre politique en matière d'immigration, en particulier la décision d'enfermer des enfants et leurs familles dans des centres fermés. En France, le président Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à 20h. Cette déclaration fait suite à une quatrième journée d'action de la part des Gilets jaunes. C'était samedi. D'après certains, le président français devrait annoncer des mesures concrètes et immédiates pour répondre à la crise. Enfin, en sport, en football, on disputait ce week-end la 18e journée de championnat. Hier, la Gantoise a battu Eupen 2-0. Et puis Anderlecht et Charleroi se sont quittés sur un nul, un partout. L'info énergie. Et tous les jours à 7h30, l'info énergie, on parle de quoi ce matin ? Alors, vous êtes fan de jeux vidéo, tous les trois. Marco, Gérard, Frisco. Eh bien, le jour où vous aurez des enfants, vous penserez à moi et à ce que je vais vous révéler dans quelques secondes. D'après une étude américaine, le cerveau des enfants qui passent beaucoup trop de temps, il faut le dire, devant des écrans, eh bien, apparaît modifié. Et ah oui, bon, c'est une recherche qui a été faite sur base d'imagerie par résonance magnétique. Et en fait, ça montre des tracés différents dans le cerveau des enfants qui utilisent des smartphones, des tablettes et des jeux vidéo. Plus de 7 heures par jour quand même. Ah ouais, ouais. Et quand tu dis différent, c'est plus mauvais ? Ah ben oui, oui, je pense bien, oui. En fait, ça a montré un amincissement prématuré du cortex. C'est en fait l'écorce cérébrale qui traite les informations envoyées au cerveau par les 5 sens. Et même s'ils mangent les 5 fruits et légumes par jour, ça change rien ? Non, ça va pas ça. Et en fait, c'est dangereux de dire ça, hein. Tu dis ça aux filles. Quoi, on peut maigrir ? Oh, super ! Non. Bien sûr que non, c'est juste au niveau du cerveau, ce qui fait que le cerveau vieillit prématurément. Purée, c'est fou ça. Ouais, ça fout un peu les boules. Hein. Ah ouais. Donc ouais, vous penserez à moi le jour où vous aurez un bébé. Merci Tata Aurélie. Hein. Pas d'écran, pas de jeux vidéo. Du moins, d'accord, pas trop longtemps. Bon, ok, ça va, c'est pas pour demain la veille, donc on est tranquille. <C'est ça. rire> Merci. Maman, parfois, elle rigole toute seule dans la voiture à cause du 6-9 sur Énergie. C'est trop marrant. Le 6-9 sur Énergie. 7h35 sur Énergie. Bonjour. Bonjour. Dans un petit instant, le mot gagnant. 20 secondes, vous devez donner tout un tas de mots. Tout ce qui vous passe par la tête démarre par une lettre. Quelqu'un de l'équipe fait la même chose. Un mot en commun. Paf, c'est le mot gagnant. Trop incroyable. Ouais. On fait ça juste après. Dean Lewis. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Excusez-moi, c'est quand tu crois qu'il y a encore un truc derrière et puis non. La tête de Tiffany valait tout l'or du monde. Elle m'a fait des yeux genre tu laisses un blanc. Et c'est la première fois qu'elle te dit pas yeah, t'es trop. Ouais ouais ouais, ouais, clairement. Tu vois, c'est parce que tu l'as pas fait, alors bah ça va perturber. Mais maintenant je vais continuer. Oh non. Oh pitié. Panic at the Disco, ça arrive dans un instant. On va jouer au mot gagnant ce matin avec Lucie. Oui, Lucie qui travaille comme infirmière à domicile, mais là elle est actuellement en congé maternité puisqu'elle vient d'accoucher d'une petite fille de 3 mois qui s'appelle Julia. Oh, elle a deux autres enfants, un de 14 ans et de 12 ans qui s'appellent Sophia, enfin un ou une, Sophia et Mehdi. En ce moment elle regarde la série Vampire Diaries sur Netflix et puis son plat préféré c'est les pâtes. Ah, oh, les pâtes. Oui, oui, les pâtes, allez. Lucie, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi Lucie ce matin dans le 6-9 sur Énergie. T'as passé un bon week-end Lucie? Ah oui, excellent, merci beaucoup. Oh bah dis donc, quand tu vends le week-end comme ça, on se demande ce qui s'est passé pour que ce soit aussi excellent. Bon, les deux ans avec mon petit compagnon, donc fatalement c'était top. Oh, oh c'est mignon. C'était surtout chaud. Il t'a emmené au resto? Non, on est resté à la maison, bien au chaud. Il a fait le repas alors? Bien sûr. Ah, c'est non, même pas. Il a fait la vaisselle. Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah rien, comme d'hab. Lucie, sois la bienvenue ce matin. Du cadeau peut-être pour toi. Dans un petit instant, nous allons jouer au mot gagnant. Donc, hein, je rappelle, une lettre. Paf, tous les mots qui te passent par la tête démarrant par cette lettre. Quelqu'un de l'équipe fait la même chose. Un mot en commun. Pouf, c'est le mot gagnant. T'as envie de jouer avec qui ce matin, Lucie? Il y a Tiffany au standard. Il y a Jérém, il y a Frisco. Il y a Aurélie de la rédac. Allez, Frisco. Frisco, allez, j'y vais. Allez mon Frisco, tu peux quitter le studio. Les autres, préparez-vous à noter. Jérém, c'est prêt. Ouais, c'est prêt. Super. Eh bien, on y va, Lucie. On est parti. 20 secondes. Tous les mots qui te passent par la tête, qui démarrent par la lettre R. R comme R. Allez, c'est parti. 20 secondes. Alors route, radiateur, routier. Roux. Je sais pas. Encore. Ravioli. Ouais. Oh là là. Ratatouille. Regarde, je sais plus. Ouais, pas mal. Bon, il y a de la bouffe, hein. Le dernier, c'était quoi? Regardez. Regardez, c'était ça. Oui, regardez. Je sais plus. Est-ce qu'il y a eu radis? Oui. On en a 8. Radin, il y est? Non. Mais t'es radin. Non. Il me fait plaisir celui-là, radin. Ah oui. Allez, Frisco, tu peux revenir, mon poulet. On va voir, on espère qu'il y aura un mot. Il y en a 9, du coup, c'est jouable. C'est jouable. Il y a 9 mots. Oui, bah oui. Oh, 20 secondes, mon Frisco. Allez, j'espère. Pour faire gagner Lucie ce matin au mot gagnant. Et la lettre, c'est la lettre R. R. Radio. Remerciement. Radis. C'était quoi? Attendez, 2 secondes, je stoppe tout. Comment est-ce possible que tu nous sortes le mot radis? Tu ne manges jamais de légumes. Depuis quand tu manges des radis, toi? J'ai été au resto hier et j'ai demandé sans radis mon plat. C'est magique. Eh ben, c'est gagné, Lucie, ce matin, bravo. Eh ouais. Oh, je suis trop content. C'est la radis gagnant. De rien, avec plaisir. C'est magique. Je suis trop fier de moi. Bravo. Il y avait pas mal de bouffe. Hein. Ouais, il y avait quoi comme autre mot? Ravioli, ratatouille, radin, routier, radiateur, route. J'aurais dû trouver ratatouille, hein, plutôt. Plutôt que radis, on est d'accord. Une très belle journée à toi, Lucie. On t'envoie du cadeau, merci. Je t'en passe, Tiffany, pour choisir. Oui. Bisous. Également, merci. Bisous. Des bisous et joyeux 2 ans, Lucie, avec le chouchou. Voici Panic at the Disco sur Énergie, 7h42. Had to have high hopes for living, shooting for the stars.

Sur le ring intérieur entre Wautier Brenn et Usingen, ajouté 18 minutes. Au sud du pays, sur le 411, il y a des ralentissements entre Stockheim et Sterpenich, compté 36 minutes en plus. Et puis sur le 19, le barrage des Gilets jaunes a été levé en direction de la France, au niveau de la frontière. Mais il y a des ralentissements à partir de Ville-sur-Aisne, compté 17 minutes en plus. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. N'est-ce pas ? Eh oui, courage à vous sur les routes ce matin. 7h49, on revient avec Thomas dans un petit instant. Thomas, on ne le connaît pas, hein, je vous le dis sincèrement. Ouais. On ne le connaît qu'en photo, mais il est beau gosse. Allez le voir sur le groupe Facebook, c'est les fufous du 6-9 sur Énergie. On vous l'offre dans un instant. La vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis. C'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles. Combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie, maman m'a dit. Laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. Laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sans ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a su. Mais surtout, ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï. Danse, danse à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. Soprano, Phoenix, il était venu nous le présenter d'ailleurs live ici chez Énergie, chez Rally de Wendy. Vous pouvez aller voir ça, c'est sur énergie.be, on vous a mis la vidéo évidemment. Dans un petit instant, Zara Larsson qui va arriver côté hit, 7h52. J'aimerais qu'on accueille Thomas. Thomas qui nous a été présenté par Marine, hein, qui est notre maître du duel actuel, qui en a marre que Thomas squatte son canapé. Réécoutez ce moment. Voilà, j'ai le meilleur ami de mon amoureux qui squatte mon canapé depuis longtemps. Ouais. Et donc je voudrais passer un message à toutes les jeunes célibataires. C'est un chauffagiste hyper sexy, très viril, qui s'appelle Thomas. C'est magnifique. Et Thomas est avec nous ce matin. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu penses que la description de ta pote est une bonne description? Quand même, mais après, je squatte pas le canapé tout le temps. J'adore. Voilà. Thomas, dit, hein. Thomas magnifique, parce que Thomas, il faut le savoir, il nous a rejoint aussi dans le groupe Facebook ce week-end. Juste après, j'ai c'était vu. Magique. Et en effet, on a posté une photo de toi, mon Thomas, et il y a eu quand même du commentaire. Je tiens à le dire, il y a eu du monde. On a eu des pépites. On a eu des pépites, et nous avons surtout Aline. Aline qui a commenté ta publication et que nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin. Bonjour Aline. Bonjour. Bonjour Aline. Bonjour. C'est Aline. C'est Aline la stagiaire. La stagiaire. Oui, c'est moi. La stagiaire. Mais quelle stagiaire? C'était une ancienne stagiaire de l'année passée d'énergie. Ah, du matin. Oui. Ah, Aline du matin qui était là. Mais non. Si. Mais non. Le monde est petit, les amis, je vous le dis. C'est-à-dire que Tiffany, elle va Tiffany, elle va choper un numéro. Ça, c'est magique. Eh bien, vous savez quoi, Thomas, Aline, je vous laisse une minute. Je mets en route la musique. Une minute. Ou évidemment, Aline, tu peux poser toutes les questions que tu veux à Thomas. Et Thomas, n'hésite pas aussi à poser des questions pour apprendre à connaître Aline. Non, c'est parti. Okay, ok. On y va, une minute. Allez-y. Allô? Allô? Donc voilà, moi je m'appelle Thomas. Bon, on le sait, comme pour énergie, là, on va J'aime travailler, faire mon sport de temps en temps, aller boire un verre avec le copain de Marine. Et donc voilà, idéalement, on aimerait bien trouver une copine. Tu es mal à l'aise, Aline? Oui. Alors, Aline, on t'écoute, présente-toi, Thomas. Ok, alors c'est bon. Laissons les femmes parler. Donc moi, je m'appelle Aline. J'ai 20 ans. Actuellement, je fais un Erasmus à Chypre. Et voilà, j'adore rigoler, j'adore faire avec les gens et j'adore les domestiques. Thomas, si tu comprends rien, c'est normal, c'est l'accent. Je veux savoir qu'Aline a un accent très prononcé, mais là, non, c'est que ça coupe. Hein. De Liège. C'est vrai. Ça, on l'a bien entendu, oui. De Liège. Tu viens d'où, toi, Thomas? Bruxelles, c'est ça? Moi, je viens de Bruxelles, ouais. Ça va un peu loin, Liège-Bruxelles, quand même. Hein. Bah, quoi, il y a des trucs qui s'appellent des déménagements. Déménagements. Qu'est-ce que t'as dit, Aline? J'ai dit que quand on s'aime, la distance ne compte pas. Oh, c'est beau! C'est beau! Ça, c'est un peu prématuré, mais. Eh ben, vous savez quoi, les deux tourtereaux? J'ai une idée qui me vient soudain à la tête. Le resto. Mais même mieux que ça, je vous invite tous les deux le 21 décembre pour notre dernière émission en public dans 4 jours, quoi. Semaines. Et alors, mieux, le vendredi midi, vous pourrez aller manger au resto tous les deux, c'est nous qui régalons. Mais elle est en Erasmus, non? Ah bah oui, elle est à Chypre. Elle est à Chypre. Ah, t'es à Chypre, Aline? Mais je vais prendre l'avion pour Thomas. T'es pas sérieuse, Aline. Vraiment? Chaud, là, j'ai déjà regardé l'avion. On a rien compris. T'as déjà le billet d'avion, c'est ça que t'as dit? Oui, j'ai déjà le billet d'avion. Je compte. Mon retour en Belgique est prévu. Et il est prévu quand? À début décembre. Mais on est début décembre en soi. On est le 10, chouchou. Eh ben, tu seras là? Est-ce que tu seras en Belgique le 21? C'est ma question. Mais oui, mais il faut que je regarde au niveau des prix, mais normalement, c'est bon. C'est pas bon cette histoire, ça pourrait bien se oublier, ça. Eh ben vous savez quoi, je m'en passe Tiffany, Thomas, Aline, vous vous arrangez hors antenne, mais si vous pouvez être là tous les deux le 21 décembre dans l'émission publique, vous venez. Non seulement vous venez, et en plus le midi on vous invite le resto et comme ça pour aller manger en tête à tête et faire connaissance. Ça peut être sympa, ça, hein, deal. Merci. Deal ou pas deal? Franchement, c'est top, merci beaucoup. Et ben voilà. Thomas, Aline, on vous embrasse, je m'en passe Tiffany, on écoute Zara Larsson et on revient juste après. Et peut-être qu'on a construit un couple, hein, qui sait. Ah, très bien. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Got

Énergie, bonjour. Bonjour. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et ouais. C'est sa journée. Et ouais. C'est elle la reine. Et ouais. Vous allez devoir être gentil avec moi aujourd'hui. Bah, pas de blague. Pas comme pas tous les jours. Loupe. Comme tous les jours. On est toujours gentil avec toi. Attends. Oui, bah oui, gentil. Oui, mais les blagues, vous en faites souvent. Tiffany, c'est son anniversaire aujourd'hui. On fête ça avec toute l'équipe, évidemment. Birthday time dans un petit instant pour toi, Tiffany. Oh. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de toi. Ça sera après le duel. On va te bichonner. On va te bichonner. On a des surprises pour toi. Avant ça, j'aimerais quand même que chacun, très rapidement, en quelques minutes, à peine, même pas quelques secondes, te dise une petite gentillesse. Du fond du cœur. Et je te jure, c'est pas préparé. Mais vraiment, tu peux demander, il n'y a personne qui a préparé. J'aimerais que maintenant, tout de suite, vous donner en quelques secondes, un truc sympa sur Tiffany, une qualité ou un truc que vous aimez bien chez elle, qui vous plaît, etc. Oh, moi, j'en ai deux. C'est vrai? Ouais. J'ai peur aussi. Jérém, tiens, vas-y. Je plaisante. Non, très belle trouvaille. Très content d'avoir fait ta connaissance. Parce que tu es quelqu'un d'extrêmement sincère. Arrête, tu vas me faire pleurer. Mais c'est le but, hein, je te rassure. Tu vois Tiffany, tu vois à travers tout, parce que c'est une fille qui est, voilà, qui dit ce qu'elle Arrête pense. C'est une fille extrêmement gentille. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ta... Allez, je te jure. Mais quoi? Change de musique. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Tiffany, c'est son côté simple. Elle se prend pas la tête, elle pète pas de plus haut que son cul. Elle, c'est pas une princesse et je crois qu'elle représente toutes les filles. Enfin, voilà. En même temps, t'as déjà vu des princesses en moufette, toi? All the girls in me, all the women. J'étais à Disney ce week-end. Je te jure, ils devraient faire une princesse comme toi, princesse moufette. Mais tu viens de lancer un concept. Mais grave. Si Disney nous écoute, mais vraiment les gars, il ferait une Tiffany. Frisco, authentique et joyeuse. Allez. Ouais, parce qu'elle est authentique. Il y a pas de filtre. Il y a pas de Tiffany. C'est pas un truc où elle. Elle est authentique. Je sais pas quoi dire de plus qu'authentique. Je pense que ça te caractérise bien, pardon, authentique. Allez. Et c'est un compliment authentique. Hein. Bah oui, ça va. J'ai du vocabulaire quand même. Et non, t'es tout le temps joyeuse, donc voilà. Allez, c'est cool, ça me fait trop plaisir. Aurélie de la Rédac, petit mot pour Tiffany. Ça allait me faire pleurer, je te jure. Ben moi, je voulais te dire que ce que j'apprécie, c'est que tu te prends pas la tête. T'es vraiment une fille qui est naturelle. Tu dis ce que tu penses, même quand tu le penses pas vraiment. Tu le dis quand même. Et t'es super, t'es nature, quoi, et spontanée. Et, ben moi, j'adore ça. Allez, cool. Ah, c'est beau. Bon, elle pleure pas encore, faut mettre le paquet maintenant. Mais vas-y. Attends, on compte sur toi. Je change de musique. Tiffany. Oui. Non, mais c'est vrai, Tiffany, il faut le dire. Allez. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien décrit. Une fille authentique, responsable, pas tout le temps. Non, moi, je vais te dire en toute sincérité, c'est vrai, comme l'a dit Jérém, tu es une belle recrue cette année. C'est un énorme plaisir de travailler avec toi. On ne se connaissait pas du tout. Non, on apprend à se connaître depuis septembre. On a fait vite les connaissances, hein, je vous rassure. mais c'est un véritable bonheur de travailler avec toi chaque soleil, jour. Vraiment, c'est un rayon soleil. De soleil. Elle ne tire jamais la tronche. Bon, des fois, elle arrive, elle est vénère, hein, mais... Mais elle vide son sac et après ça va beaucoup mieux. Ouais. Non, c'est un bonheur de t'avoir dans l'émission et sache-le pour avoir eu l'occasion de travailler avec pas mal de nanas quand même dans ma petite carrière. C'est un grand plaisir de t'avoir parce que tu leur arrives non pas seulement à la cheville mais au même niveau. Allez. Et je parle de certaines filles qui ont quand même du gros niveau comme Wendy. Donc voilà, tu vraiment c'est un plaisir de t'avoir et tu es une excellente animatrice et de t'avoir dans l'équipe Allez, au standard. Arrête, c'est bon. En plus, mais c'est vrai pour quelqu'un qui fait normalement l'animation. C'est ouais. Ah ouais non moi je fais pas le standard. Et ben tu es là et tu as pris ta place dans cette équipe de manière je trouve extraordinaire. Tu t'es vachement bien intégré. À la base on était trois mecs donc c'est très difficile et je trouve que tu as ta place ici parmi nous et il est hors de question que tu nous quittes. Ouais. Et moi aussi je les mets sur la table. Voilà. C'est ce qu'on vous disait. On était dans la poésie et voilà. On est retourné dans le tertiaire. À mon avis, elle fait une blague content. Pour pas pleurer. Ouais. Non, c'est vrai. Je rajouterais autodérision. Oui, grave. Ah, mais c'est un bonheur de t'avoir, vraiment, je te jure. T'es notre petite fleur et on t'arrosera tous les jours pour pas que tu fannes. Mais c'est Dédé quand même, hein. Mais c'est Dédé quand même, oui, c'est vrai. Now they judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing up. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 8h11 sur Énergie LP dans un petit instant. Et là c'est le retour comme tous les jours. Bah, je vais arrêter de vous dire 8h05 parce que là vous avez compris qu'on est très loin de 8h05 quand même. Le duel Énergie. Le duel Énergie qui est de retour ce matin avec Marine. Bonjour Marine. Salut à tous. Salut. Marine, 24 ans, on rappelle, un psychologue à Charleroi qui est à 600 € dans sa cagnotte. Marine qui est d'ailleurs l'auteuse de Thomas. Enfin, enfin bref, en gros, Marine nous a refilé Thomas. C'est toi qui nous as expliqué vendredi qui squattait ton canapé. Tu as entendu ou pas tout à l'heure le speed dating avec... Non, franchement, super. Je suis très contente pour lui. On croise les doigts. Je sais quoi, je vais être franc avec vous. On a eu après Aline au téléphone. Malheureusement, elle ne saura pas venir le 21. Donc, attends. L'heure est grave, je l'ai compris Marine. Je propose que demain à 7h50, mercredi à 7h50, jeudi à 7h50, tous les jours, on fait un speed dating avec une fille différente. Et vendredi, il doit prendre une décision et nous dire avec qui il a envie d'aller manger un petit bout. Ce qui n'oblige à rien, il est libre de tout choix, mais voilà, au moins... Est-ce que vous vous rendez compte que cette histoire, il va m'en parler pendant 6 mois? Non mais tu l'auras plus dans Parce ton salon là, Ouais, au niveau égo, on est au max. C'est-à-dire, il est quoi? Il est en mode sûr de lui, c'est... Ah bah, il était déjà en squattant mon canapé, mais là... Là, on est au top. C'est génial, excellent. Ah, Marine, merci. Bon, en tout cas, on va vivre un bon moment tous les jours à 7h50 grâce à toi, Marine. On va essayer de trouver une compagne pour Thomas. Ça sera notre mission. Julia vient t'affronter ce matin, Marine, dans ce duel, puisqu'il y a des choses sérieuses qui arrivent quand même maintenant. Oui, Julia, qui travaille comme responsable d'une agence de recrutement, intérim, quoi, du côté de Eupen. Elle est passionnée de musique et principalement de chant. Elle a eu quelques projets professionnels d'ailleurs. De chant, ouais. En ce moment, elle regarde la série La Servante Écarlate sur Netflix. Et puis, son plat préféré, c'est les pâtes. Alors, ouais, là, j'ai découvert une recette. Les pâtes aux poires, du boursin au poivre et du poulet, le tout gratiné et servi avec des tagliatelles. C'est super bon. Donc, Marine... T'as pas goûté. Ben, non, mais c'est apparemment, selon Julia, c'est super bon. Et j'ai même pas encore eu l'occasion de faire la recette, mais t'inquiète, Julia, je vais m'y mettre. Donc, Marine, tracasse pas, fais gaffe à toi, parce que si on avait dû recruter une maître du duel, on aurait peut-être pas pris Marine, puisque c'est Julia qui est là. Ouais. C'est son anniversaire aujourd'hui, on lui parle. Ouais. Je suis certain qu'à chaque fois les gens dans leur voiture sont là. Ah, l'autre fofolle va faire sa présentation. Mais c'est sûr, tout le monde attend ta présentation avec impatience. Hashtag je suis Tiffany. Mais oui, c'est sûr que les gens disent qu'est-ce qu'elle va encore sortir comme connerie. Marine et Julia, bonjour Julia. Hello tout le monde. Hello les filles. Hello. Vous allez vous affronter ce matin dans le duel énergie. C'est un spécial tempo game. Tempo game, c'est un jeu qu'on fait ici. C'est-à-dire que on met une musique, d'un seul coup on la coupe, on doit garder le rythme, hop, et on la remonte. Et ben là, en gros, dans ce duel, vous allez voir, c'est en mode tempo game. Donc c'est-à-dire que l'extrait, il dure déjà pas longtemps, il dure que 5 secondes. Mais en plus de ça, on a coupé dedans. Ouf. Ah, super. C'est assez facile, je vous cache pas les filles. Ce sont des artistes énergie qu'on cherche ce matin. Il nous faut uniquement l'artiste. 5 extraits, 100 € par extrait. Donc jusqu'à 500 € à gagner. Et on rappelle la règle, votre buzzer, c'est votre Prénom. Premier extrait, les filles. Bonne chance. Julia, Marine. Ah oui, c'est coupé, hein, mais ça va vite. Julia, en premier. Les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, bonne réponse. Ouais, bon, ça va vite, hein. On va écouter en plus maintenant Black Eyed Peas, très sympa. Ah, j'adore. Deuxième extrait pour vous, les filles, vous l'avez compris, c'est coupé de temps en temps, mais j'ai l'impression que ça va vite pour vous. C'est parti, bonne chance. Julia. Julia, tu me tues rapide. Hein. Julia, on t'écoute. Oui. Mais là, je ne suis pas sûre. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Non, non, non, non, non, c'est pas Ed Sheeran, Julia. Marine. Oh, je sais pas. Eh bien. Je l'ai reconnu, mais c'est vrai, chaud. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Vraiment, je vous le remets. Je sais même pas si je vais le donner au Fifou. On réécoute, on va voir comment ça se passe. Ah oui, je l'ai, mais je croyais que c'était une femme au début. Ouais, non, mais c'est des belles coupures en plus. Hein. C'est vraiment tempo game. Hein. Thomas, il s'est fait plaisir. Hein. Bon, personne ne l'a, vous avez reconnu ou pas? Vas-y, Frisco. Ouais, Lucas Graham. Oh, mais ouais. Jason Mraz. Ah oui, ouais, dur celui-là, dur. Terrible. Ah ouais, j'adore. C'est parce que j'adore cette chanson que j'ai reconnue. Hein. Une voix de dingue. Oh. Ah, c'était pas facile, c'est vrai. Lucas Graham, fallait le trouver. Bon, les filles, c'est pas grave, il reste encore trois extraits. Voici le troisième extrait. Je pense que ça va aller très vite sur celui-là. Bonne chance. Il y a la pluie en featuring dans tout. Julia. Orelsan. Ouais. Avec c'est Stromae, je pense. On a eu de la chance là. Hein. Ça a été chaud. Orelsan, Stromae, bonne réponse de Julia. Toujours autant de pluie chez moi. Et Orelsan qui sera là demain soir d'ailleurs en live session ici chez Energy. Il fait beau. Orelsan en interview aussi chez Rally des Wendy, soyez à l'écoute entre 16h et 20h juste avant la live sessions. Bon, Marine. Ouais. Qu'est pas ça, Benga? Bah ouais, pas assez rapide. Ça pue du pet, hein. Ça pue du pet. Ah bah oui, là il reste que deux extraits. Pour moi, du coup. Ça va être chaud, l'abricot. Eh ben, bonne chance à vous les filles. Marine, Julia, voici le quatrième extrait. Si ce soir Julia. Patrick Bruel. Oh là là là là. Julia s'annonce, c'est une redoutable maître du duel en devenir, je vous le dis, C'est une bonne réponse. C'est la voix. J'aime le la voix. Casser la voix. Eh ben, bonne réponse de Julia qui est fan apparemment de Patoche. Casser la voix, bonne réponse, c'était bien Patrick Bruel. Voici le dernier extrait. Bon, moi, c'est une victoire pour toi, Julia, qui s'annonce. Oh, Marie, on est d'accord? Ouais, non, je reconnais. Là, pas mal quand même. Bon, Julia, attends. Voici le dernier extrait. Marine aussi, tu peux sauver l'honneur. Bonne chance. Voici l'extrait. Julia, Marine. Julia en premier. Oh, mince. Je ne sais plus. Non, c'est pas ça. C'est pas je ne sais plus. Marine, une idée? Comment? Jonas Blue. Eh ben, Marine sauve l'honneur ce matin. Bravo. Ce sont bien les Jonas Blue, en effet. C'est Jonas Blue tout court. Ouais, Jonas Blue tout court, en fait. Oui, il est tout seul, le monsieur. Bonne réponse de Marine. Bref, c'est pour sauver l'honneur, Marine. Hein. Bravo. Ouais. Eh oui, tu repars quand même avec 600 euros, Marine. Bravo. Merci beaucoup. Puisqu'en effet, ce matin, Julia devient notre nouvelle maître du duel. Yeah. Bravo. Julia, tu vas être avec nous chaque matin à 8h05, enfin aux alentours de 8h05 pour jouer avec nous au duel. Voilà. Je suis prête. Génial. Vous voulez venir affronter Julia dès demain. Attention, ça a l'air d'être un bon morceau, Julia. Hein, ouais, je vous le dis. Ouais. Et il y a de la compète dans l'âme, là, je vous le dis. Si vous voulez vous inscrire et venir de tenter de battre Julia et devenir maître du duel, vous envoyez maintenant duel plus votre prénom par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Duel au 6018. Il y a jusqu'à 500 euros à gagner par jour. Pas mal. Et ben du coup, faisons les comptes. Il y avait Black Eyed Peas, Orelsan, Patrick Bruel. Ça fait 3.

petit instant, LP qui va arriver côté hit sur Énergie. C'est ton birthday time, Tiffany. Your birthday. It's a birthday. On va faire ça dans quelques minutes. Avant ça, un point sur les routes, Aurélie. Vu la tête, c'est pas terrible. Mais non, mais soyez extrêmement prudents si vous circulez sur le 411. On signale la présence d'un piéton à hauteur de Wallin en direction de Bruxelles. Il se trouve en berme centrale. La situation, évidemment, est dangereuse. Sinon, un accident s'était produit à hauteur du carrefour Léonard sur le ring extérieur. Heureusement, il a été dégagé, mais il y a toujours pas mal de ralentissements. 37 minutes en venant de le 411 à partir d'Overhead. Sur le ring extérieur à partir de Waterloo, comptez 35 minutes en plus. Il y a des ralentissements sur le ring intérieur entre Woutier-Bren et Huizingen, comptez 21 minutes supplémentaires. Sur le 40, vous perdez 30 minutes entre Berthem et Woluwe-Saint-Pierre. Sur le 19, des ralentissements entre Ville-sur-Aisne et Nîmes-Mézières, comptez 18 minutes en plus. Et puis au sud du pays, comme tous les jours, sur le 411 entre Stockheim et Serpenay, ça coince, comptez 31 minutes en plus. My room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see? LP. Allez mieux. DJ Steak dans un instant. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. 2000 euros de vacances dans moins de 30 minutes pour vous. C'est comme vous voulez. Hein. Vous voulez pas. Jouez pas. Vous voulez pas, tout simplement. Il suffit d'envoyer le mot code vacances simplement par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. 2 euros la participation, en gros. Ouais. Vacances au 6018 et vous avez pour vous à votre portée la montagne ou la plage ou le combo des deux. Ouais, très chouette parce je que pas, ce qui est, pas. Non mais ce qui est cool c'est que dans les Alpes françaises, imaginons, t'es tout près de la mer. Ouais, du coup, heure, tu peux faire les deux, tu vois. Ouais. Tu vas dormir, mais tu fais une excursion d'une journée, quoi. Il y a moyen de vous faire le combo gagnant, ouais. C'est vrai. Eh ben, inscrivez-vous, vacances par SMS au 6018, vacances au 78, et on vous appelle dans moins d'une demi-heure pour vous offrir 2000 euros pour partir en vacances avec la famille ou les amis. Hein, vous choisissez avec qui vous partez. Hein. Nous, on vous donne juste 2000 euros et après, vous vous débrouillez pour le reste. Vacances au 78, bonne chance. Idéal, trouvez-le dans un magasin Krefel ou en quelques clics sur krefel.be/kdo. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. 8h32 sur Énergie, dans un instant DJ Snake, voici l'actu et la météo. Un temps généralement sec avec pas mal de nuages, un risque d'averse sur le nord-est et l'Ardenne, des précipitations de caractère hivernal possible en Haute-Fagne et côté température entre 2 et 8 degrés. On s'informe l'actu de ce 10 décembre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Attention, si vous prenez le train suite à un accident, la circulation est interrompue entre Halle et Vilvoorde. Les trains sont déviés dans la mesure du possible. Si vous le pouvez, tournez-vous vers les bus tram et métro. On en parle beaucoup ces derniers temps. Le pacte de l'ONU sur les migrations doit être adopté aujourd'hui. Ça sera fait lors de la conférence internationale de Marrakech au Maroc. Plus de 150 pays seront présents. Cette conférence, elle s'ouvre dans un climat tendu. Il faut dire que le pacte ne met pas tout le monde d'accord chez nous. La NVA était opposée au texte. Du coup, le parti a quitté le gouvernement ce week-end. Les compétences ministérielles ont donc été redistribuées. Le Premier ministre a confié les finances à l'OpenVLD. Alexander De Croo, Peter De Crem du CDNV hérite de l'intérieur. Maggie De Bloch reprend l'asile et la migration en plus des affaires sociales et de la santé. Et puis le MR, Didier Reynders, reprend quant à lui la défense en plus des affaires étrangères. La Déclaration universelle des droits de l'homme a tout juste 70 ans. À cette occasion, on apprend que la Belgique a de nombreux efforts à faire encore. Dans son dernier rapport, Amnesty International pointe surtout la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. L'organisation pointe également la politique en matière d'immigration, en particulier la décision d'enfermer les enfants et leurs familles dans des centres fermés. En France, le président Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir à 20h, une déclaration qui fait suite à une nouvelle journée d'action des Gilets jaunes samedi. D'après certains, le président français devrait annoncer des mesures concrètes et immédiates pour répondre à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs semaines. On termine avec du sport et du football. On disputait la 18e journée de championnat ce week-end. Gand a battu Eupen 2-0 et puis Anderlecht et Charleroi ont partagé l'enjeu un partout. Le 6-9 et les fifous, c'est tous les matins sur Énergie. Le 6-9 sur Énergie. DJ Snake sur Énergie, on écoute ça tout de suite, 8h35, bonjour ! Bonjour ! Dans un petit instant, c'est les infos café comme tous les lundis, il y a du croustillant, je vous le dis. Oh oui, ah bah voilà, ça c'est ce que... Pardon, T'as rippé, chef ? En fait, pour pas vous mentir, j'ai enlevé le casque, je l'ai posé sur la table et ça a appuyé sur... Oh, voilà. Non mais je vous dis la vérité, voilà. On est reparti avec DJ Snake. Mets-toi là, le casque, fais pas de bêtises. Lance le casque derrière toi. Bailame comme si fuera l'ultima vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le va el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene a espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene a espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Sur Énergie, voici les infos café. Louane et Julien Doré qu'on va écouter côté dans un petit instant. Avant ça, info café. En ce moment, c'est vrai, les gilets jaunes et tout fait que tout le monde s'insurge sur le moindre truc. Et c'est normal, j'ai envie de dire, il y a des trucs qui sont choquants. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est plus du gilet jaune qu'il faut, c'est du gilet rouge. Hein, pour Trump, écoutez bien ça, c'est aux États-Unis. Trump a mobilisé une limousine, 8 voitures, un service de sécurité pour parcourir, à votre avis, combien en distance ? 50 mètres. Un peu plus ? 100. 100 mètres ? 230 mètres. Sérieux ? Le gars, il doit faire 230 mètres. Vas-y, qu'il prend la limo, 8 bagnoles, le service de sécu, enfin la totale, quoi. Il n'y avait plus de trottinette électrique ou quoi ? Il ne pouvait pas le faire à pied. Enfin, quoi. C'est scandaleux, quoi. Vraiment scandaleux. En fait, tu te rendrais à Blair House. C'est la maison où on ne peut pas blairer les gens. C'est voilà. En ce moment, c'est les fêtes, tout le monde commande. Est-ce que vous êtes partisan, vous, d'Internet, pour acheter sur Internet ? Moi, j'ose pas. Ouais. Jérém, bof, bof. Je suis un peu comme Tiffany. En fait, j'ai peur de la qualité ou que la taille, enfin, etc. Moi, j'aime bien toucher avant, tâter, voir un petit peu la matière et tout avant de... Non, mais c'est vrai, si t'achètes des vêtements, c'est compliqué. Tu sais pas c'est quoi la matière et puis on te dit viscose. Faut savoir ce que c'est de la viscose. Hein. C'est du viscose, hein. Moi, j'aime bien... Je retiendrai, j'aime bien tâter. Ouais. C'est magique. J'aime bien toucher, quoi. Donc, ouais, pas trop Internet, toi, Frisco Sud, pas mais peur. Mais justement, pas pour les vêtements aussi. tu vois, mais pour bon. tout le reste, avec ouais, plaisir. Ça passe. Vous avez peut-être bien raison de ne pas faire ça sur Internet pour les vêtements, parce qu'il y a une mère qui a voulu commander une tenue de Noël, mais un truc un peu sexy, tu vois, pour certainement faire plaisir à... Genre mère Noël, quoi. Genre mère Noël, voilà. Elle a commandé ça en ligne, sauf qu'elle n'a pas du tout reçu le colis escompté. Ah, je vous jure, limite, je vais vous mettre ça sur le groupe Facebook, c'est magique. Donc, t'as la photo où t'as trois biches, mais trois bichettes, habillées dans une tenue ultra sexy de Noël. Donc, tu te dis, ouais, pas mal. La nana a commandé, elle s'est fait une photo avec ce qu'elle a reçu. Ah bah, on dirait le père Fouettard, hein, c'est pas Père Noël, hein, ni Mère Noël. Hein. Non, ça fait flipper, je vous jure, c'est hallucinant. Tu vois ou pas d'ici, Fris? Attends, j'ai un truc, regarde la tête. Mais ça me fait penser un peu à la nana là, qui teste sur Instagram. Attends, mais alors, mettez la photo sur Instagram. Oui, bah oui. Ah, c'est magique, je vous jure. C'est magnifique, c'est magnifique. Entre la réalité et la fiction, hein. Il y a quand même elle, elle a mis une capuche, mais laisse tomber, quoi. La meuf, on la voit plus. Attends, tu veux la photo, mon Thomas? On va vous mettre ça, tiens, encore mieux sur Instagram. Vas-y, fais la photo. Voilà, c'est dans la story Instagram, les fifous du 6-9 sur Énergie. Comme ça, vous venez nous retrouver. Voilà, comme ça, vous êtes un peu partout. Facebook, ouais, Instagram et tout ça. On retourne aux États-Unis avec un garçon de 10 ans. Le papa a été, je trouve, a fait bien des choses. C'est vrai que quand un enfant fait une bêtise, ouais, on punit, ouais, on sévit. Ouais, normal. Et là, en fait, le gosse de 10 ans a été viré carrément du bus scolaire pendant 3 jours. Pourquoi ? Parce qu'il harcelait d'autres enfants. Donc en gros, il faisait le quête, voilà, pas bien. Et ben, son père a décidé de doubler la sanction. Non seulement il ne peut plus prendre le bus, mais il lui a dit, tu sais quoi, tu vas aller à l'école et tu vas y aller en courant pendant une semaine. Et moi, je suis derrière en voiture et je te motive. Oh, c'est bien, ce que ça, donc c'est magnifique. Vous avez la vidéo où t'as le père qui est là. Allez, come on. Oh, génial. Il est dans la voiture au chaud pendant que le petit il est là. Il doit courir dehors. Mais j'ai envie de dire en même temps, punition. Voilà, au moins le fils il apprendra que bah on harcèle pas l'école, quoi. Ouais. Et là, moi je trouve que c'est une bonne solution. Là, ouais. Et puis on finit avec une belle petite bonne nouvelle. Franchement, 53 ans les séparés. 53 ans. Ce sont des copines. Elles étaient copines au CP, donc en France c'est l'équivalent de la primaire. Et elles se sont retrouvées 53 ans plus tard. Elles se sont reconnues. Ouais, bon, je sais pas si. Oula, ah bah dis donc, Micheline, t'as pris cher, toi. T'as pris un coup de vieux, hein. C'est vrai, mais ça doit être magique parce qu'il y en a peut-être qui étaient moches à l'époque, qui ont dû devenir jolies, et l'inverse. Peut-être que tu vois, il y avait la fille qui était la ravageuse au lycée. Et qui est devenu ravagé, tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes à quelqu'un que t'as pas vu pendant 53 ans? Ah, bah beaucoup de choses, je pense, hein. Ouais, hey, ouais, tu sais quoi, ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a 3 ans? On s'en fout. Oh, mais je trouve que c'est une belle histoire. Oh, voilà. C'est chouette. J'espère un jour, parce que bon, voilà, le 6-9, longue vie au 6-9, mais un jour on arrêtera. Ouais, non. Bah, j'espère qu'on se recroisera dans 50 ans. Ouais, évidemment, mais de toute façon, on restera potes, non? Enfin, à part si tu changes d'avis. Bah, si tu changes de pays ou quoi, Marco, son rêve, c'est aussi un jour se barrer sur une île, il l'avait dit l'autre fois. Oh oui. On viendra en vacances chez toi. Ouais. Avec plaisir. Ouais, prenez pas Tiffany, par contre. J'amènerai mes moufettes. Pas d'excédent de bagages, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, ça serait drôle qu'on se revoie dans 50 ans. JRM, Frisco, Tiffany. Tiffany? C'est toi? J'ai plus de Waouh! Mais qu'est-ce que t'as fait? Princesse Moufette! C'est le bord des times de Tiffany, on lui souhaite dans un instant. Midi sur novembre, et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre, labyrinthe en désert. Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. passé en novembre et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Julien Doré et Louane. Vraiment, je trouve qu'ils vont très très très bien ensemble. Ils devraient faire un album ensemble de duo. Ouais, et même en couple, hein. Ils feraient un beau couple, je trouve, sincèrement. Louane, ils ont légèrement une différence. Après, l'amour n'a pas d'âge, hein, mais. Ouais, ils ont pas beaucoup, beaucoup, si. Bah, Louane, elle a quel âge? Elle a mon âge. Elle a 22, hein. Elle a 22, non, elle est plus jeune, hein, je crois. 22, 23. Oh, elle a 22 ans, Louane, et Julien Doré. Elle est mature, il doit quoi. Avoir la trentaine, lui. Mais il est pas vieux, non? Mais il est déjà marqué par les rides. Tu me ferais peur. Julien Doré, il a 36 ans. Non, ouais, ils ont 10 ans d'écart. Oh, 40 ans. Plus 10 ans d'écart. Oh, je lui donnais pas plus. Autant. Plus. Oh, je lui donnais pas autant. Oui, 36, ouais, 14 ans, pardon. Ouh là là. L'amour n'a pas d'âge, ouais. Il n'y a qu'une adolescence entre vous deux. C'est mignon, pas ouais. 8h46, dans un petit instant. On vous offre 2000 euros de vacances pour chez vous, la montagne ou la plage, à vous de choisir. Tiffany ou pas Tiffany, à vous de choisir. Madame ou pas madame, vous pouvez y aller entre copains, vous pouvez y aller entre collègues même, hein, pourquoi pas. Mais ouais, clairement. En fait, ils font ce qu'ils veulent avec ces 2000 euros. Vous êtes libre, on vous les donne, après, enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est des vacances, quoi qu'il arrive. Ouais. Vous pouvez pas vous acheter de nouvelle télé avec les 2000 balles, mais c'est des vacances. 2000 euros de budget, on a pour vous. Vous envoyez vacances au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Vacances 6018. Maman de 4 filles, enseignante à temps plein, grand besoin de vacances, merci. C'est arrivé par exemple à l'instant. Eh ben, bonne chance à toi, on croise les doigts pour que ça arrive à 9h. Vous pouvez envoyer votre mari, ça vous fera des vacances aussi à la maison. Ça, c'est magique. Chérie, fais tes valises. Oh, on part en vacances. Non, tu pars en vacances. Moi, je dois rester à la maison tranquillement. Eh ben, pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça. Vacances au 78. Bonne chance à vous. On appelle le gagnant dans moins d'un quart d'heure. Après Post Malone, le nouveau Post Malone. J'aime bien. Terrible. Sunflower. Ouais. Attends, est-ce que je peux le trouver vite fait pour vous faire écouter ce que ça donne? Évidemment. Le nouveau Post Malone, on écoute ça. Et juste après, Tiffany, reste bien branché puisque ça va être encore ton birthday time. Oh oui. Malone dans un petit instant et juste après on revient, on a les cadeaux, on a des surprises pour toi Tiffany, on a un paquet de monde qui va arriver, on a... Pff, allez. C'est la folie dans un instant. Dans un instant c'est Rio de Janeiro sur Énergie. Ah ouais, des mecs à poil et tout. Oh, ouais. Non, c'est pour rire. C'est juste après Post Malone sur Énergie, à tout de suite. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. Quel sera votre cadeau à seulement 69 euros? Une LG Smart TV de 50 pouces? À vous de choisir sur proximus.be. Valable pour tout nouvel abonné Internet qui opte pour Toutibus. Les cadeaux de Noël, c'est chez Dee. Maquillage, parfum, soins. Et jusqu'au 17 décembre, le deuxième coffret maquillage est à moins 50%. Aussi sur Dee.be. Dee, faites-vous plaisir. Parce qu'on peut avoir envie d'une voiture avec un max d'équipement. Front assist, GPS, cruise control, infotainment, là vous m'impressionnez. Hein. Tout en bénéficiant de mini prix. Waouh, ça c'est une belle offre. Là, vous m'avez persuadé. Skoda vous offre de super conditions salon. Découvrez la Skoda idéale pour tout ce que vous êtes sur skoda.be. Skoda, simply clever. Infos et conditions sur skoda.be. Fans de parfums, de soins et de make-up, pour les fêtes, les fans de cadeaux vont chez Planète Parfum et sur planeteparfum.com. Planète Parfum, fans de beauté. Zakouski, bûche glacée et mignardise gourmande. Pour savourer les fêtes, il y a toujours un magasin Picard surgelé sur votre route. Picard.be. Dans un petit instant sur Énergie, Birthday Time avec Tiffany, Post Malone qui va arriver côté hit et un petit point sur les routes. Aurélie, ça donne quoi ? Ça donne des ralentissements en direction de Bruxelles sur le 40. Comptez 30 minutes en plus entre Berthem et Woluwe-Saint-Etienne sur le 411. Vous ralentissez entre Overace et Oudergem. Comptez 28 minutes en plus sur le ring extérieur. 25 minutes de perdu entre Argenteuil et Oulart sur le ring intérieur. Ça ralentit entre Wetiebren et Bercel. Comptez 33 minutes en plus. Attention, on signale un objet encombrant sur le 19 à hauteur de Nivelles Sud en direction de Bruxelles. Une partie de la chaussée est bloquée sur le 19. Toujours 18 minutes de perdu entre Ville-sur-Aisne et Nîmes-et-Mézières. Et puis au sud du pays, vous ralentissez comme tous les jours sur le 411 entre Stockheim et Sterpenich. Comptez 29 minutes supplémentaires. Trop bon ce nouveau Post Malone. Je suis très fan, vraiment, j'aime bien tout en douceur. Dans un petit instant, c'est David Guetta qui va arriver avec Anne-Marie. Don't you ever leave me. Qui est noté, qui était notre invité d'ailleurs dans le 6-9, les Fufous. Ouais. Et la et classe. Qui a parlé néerlandais. Et qui a parlé néerlandais, c'est vrai, un petit Radio World. Les vidéos à voir à énergie.be. David Guetta, on écoute ça dans un instant pour se quitter. Avant ça, s'il vous plaît. Ouais. Faites entrer le clown. Non, je te rassure, il n'y a personne. C'est aujourd'hui, c'est vrai, l'anniversaire de Tiffany. Eh ouais. Bon anniversaire. On devrait faire ça plus souvent sur la neige, t'avoue. Oui, bah c'est une fois par an, c'est déjà pas mal. Hein. L'anniversaire de Tiffany aujourd'hui, un quart de siècle, et nous avons décidé de fêter ça toute la matinée avec toi. Ouh. Nous arrivons au moment suprême, le moment de te faire les cadeaux par milliers. Oh. Le moment de te faire des surprises. Allez. Ouais. On va commencer par les cadeaux et le plus beau des cadeaux, on se le donnera après. Le cadeau, cadeau. Ouais, cadeaux, cadeau, cadeaux, cadeau d'abord. Oula, et c'est un gros truc en plus. Je te remercie. Attends. Cadeau de type. Ah non, mais quoi? Allez, prends. Non, le vas-y, vas-y, vas-y, tombez. Allez, vas-y. Oh, c'est quoi? C'est de nouveau un calendrier. Mais non, mais enfin, déballe et dis-nous ce qu'il y a dedans. Alors. Attends, parce que moi aussi, je veux voir, parce que je suis à la place du panier. Parce que du coup, vous l'avez emballé avec des papiers de bureau, avec là où on note, là, ce qu'on met en dessous du clavier. Ouais, c'est ça, des calendriers, c'est ce que. C'est ça, ah oui, j'ai... le papier cadeau. Oui, j'avoue, il est original. Oh là. C'est quoi? Et vous savez que je suis gourmande. Dis-nous ce que c'est, est-ce qu'on peut avoir peur là? Ouais, c'est vrai. Bah, c'est une petite fontaine en chocolat. Oh, d'eau chocolat. C'est pas mignon. Et trop bien. Le chocolat n'est pas fourni. Hein. Non, mais ça, c'est pas grave, je vais aller en acheter. Je suis sûr que tu préfères la boîte. Non. Ouais, elle va dire oh, j'adore la boîte, alors, je vais garder la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cadeau? J'ai prévu des gros cadeaux en plus. Ouah, c'est quoi? Oh là, oh, c'est pas oh bien. Alors ce son, c'est quoi? Dis-le. C'est un truc pour mettre ses pieds, pour avoir chaud. Ouais, ça s'appelle mais... des pantoufles. Hein. Tu peux dire que c'est une bouffette géante. Mais avec des pieds énormes. Avec des doigts de pieds tout poilus. Tu fais du combien? Du 39. Ouais, bah ça va, c'est bien. Bah, ça c'est va, c'est à mon avis, mon pied passe. Hein. Et évidemment, il y a un message caché quand même avec ses. Bah oui, j'ai compris, mais bon, par contre, j'ai un peu peur que ce soit tu l'amour, quoi. Ah non, mais non, ça c'est pour le boulot, ça. On va te demander, en fait, à chaque fois que tu rentres dans le studio, de retirer tes chaussures et de mettre ça. Et je rigole pas, hein, à partir pas de demain, vrai. C'est ça. Hein. Ah, bah, en plus, pour hein. le coup, c'est les maxi chaussons. Vous voyez les gros trucs qu'on met au pied, là. Ah, et c'est un gros pied, quoi. Un gros pied avec des doigts de pied pourris, avec des poils au pied. Elles sont cool. Elles sont chouettes. Ouais, elles sont chouettes. Franchement, ouais, elles sont chouettes. Et essaye. T'aimes bien les poils sur les pieds? Non, les poils, c'est un peu dégueulasse. Mais par contre, tu sais que on je m'amuse. On a pensé à toi directement. Je suis occupée de m'amuser sur mon parquet parce qu'on a beaucoup de place, du coup, puisqu'on n'a pas mis les meubles. Mais qui t'a posé la question? Mon parquet glisse et donc je m'amuse. Je tiens que sur un pied et puis je pousse tout mon corps avec un seul pied. Avec ces pantoufles-là, ça va être du feu de Dieu, je te le dis. La nana, elle est chez elle, elle déménage. Elle a pas fini de mettre ses caisses. Du coup, ça va le bordel? Tu peux arrêter avec ça? Tiffany, elle est chez elle, c'est... Et sur le parquet de l'appartement, sur une rumba, Tiffany et son copain. Oh là non, je fais ça toute seule. Lui me regarde d'un drôle d'air, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et nous avons une surprise pour toi. Allez, quoi? Elle va chialer. Oh non, allez, arrête. Allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as reconnu? Ici la voix. Ici la voix. Est-ce que tu as reconnu Tiffany, qui c'est? Mais qui est-ce? C'est le fugitif. Tu gagnes 20 000 euros. Non, oui, je vois qui c'est. C'est qui? Mais c'est Nico. C'est qui Nico? Mais c'est le big boss. Bonjour Nico. Bonjour les fous, ça va bien? Bonjour, ça va et toi? Mais très très bien. Nico, bon anniversaire Tiffany. Comment? Bon anniversaire. Ah merci, je suis toute quoi. J'entends mais je. Ouais, Nico a quelque chose pour toi, une belle surprise. Arrête. Non attends avant de dire quoi que ce soit. Enfin je sais qu'il y a le temps mais je sens que ça monte. C'est vrai? Mais oui mais allez. Bon Tiffany t'es en CDD là. Ouais. Eh ben c'est terminé. Tu re-signes pas. C'est parti pour le CDI. Ouais. Et oui, elle pleure. Non, je suis trop contente. Tiffany, tu es en CDD avec nous. Tu devais t'arrêter en janvier. Oh ouais. En janvier, on l'a décidé. Ah oh, trop bien. Tu seras avec nous. Ouais. Oh, CDI pour toi, ma chérie. Super. C'est pas un beau cadeau, ça? Ah bah c'est le plus beau cadeau. C'est sans valeur, ça. Hein. Enfin, ouais. Ça a la valeur d'un salaire. Mais... Là, je vais te dire, sur ton parquet, tu vas pouvoir y aller même carrément avec du Spontex maintenant. Ah ouais. Du moonwalk, la meuf. Ah, trop bien. Et ben voilà, ma chérie. Bon anniversaire à toi encore. Merci. C'est là qu'elle lui dit non, je préférais les pantoufles. Non, mais je ferai un gros bisou à tout le monde. Donc, Nico, je te ferai un gros bisou quand tu arriveras. À tout à l'heure. Oui, parce qu'il faut le signer maintenant. Oui, c'est ça. Merci, Nico. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Bonne nouvelle, ça, non? Ah, mais super. J'ai du mal à m'extasier comme ça, mais en fait, je ne trouve pas les mots, juste. Je suis trop contente. Ah là là, j'ose imaginer le jour où elle va annoncer qu'elle est enceinte à son mec. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, je suis enceinte, en vrai. Ouais. Tu vas mettre le bar, c'est le reste de la fin de ta vie. Ouais. Non, je suis vraiment trop contente. Bon anniversaire à toi, Tiffany. Ouais. Bravo, étant en CDI, ma chérie, on te garde. Génial. Attends, je suis trop contente. On n'a pas arrêté de dire qu'elle est extraordinaire. On n'allait pas lui dire, bon, et CDD, bah, c'est fini. Mais non. Bougez pas. On revient dans un instant avec le Hakuna Matata. Matata. Oui. Ça va parler de David Guetta et mon Tanguy qui est déjà là. Ça va, beau gosse? Ça va super, joyeux anniversaire Tiffany. Merci. Bonsoir. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. With you every day's a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me. Don't you ever. C'est avec Tanguy et sa fameuse playlist partagée. Ah, ce n'est pas la mienne, c'est la playlist des auditeurs. C'est vrai ça, monsieur? De Raphaël aujourd'hui. Oh, Rafou qui a fait sa playlist. Toujours dans sa caravane, oui. Raphaël qui a fait la playlist ce matin, playlist partagée. Allez faire la vôtre dès maintenant, c'est sur energie.be. Et on vous la diffuse tous les jours entre 9h et 10h et le soir entre 20 et 21 avec Flow. Voilà. Yeah. Yeah, baby. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as foutu dans tes cheveux? Pourquoi t'as mis un serre-tête? J'ai mis le truc pour attacher les pantoufles de Tiffany. On dirait un joueur de foot. Mais ouais, on dirait, c'est tout. C'est vrai. Ouais, j'ai pas le même talent. Allez, on vous offre les 2000 euros de vacances avant de partir. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. 2000 euros de vacances tous les matins à gagner ici sur Énergie dans le 6-9. Il suffit de vous inscrire. Hein. Vous envoyez vacances tout simplement. Vacances, le mot code, au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. On a 2000 euros tous les jours. Donc peut-être encore pour vous demain, après-demain. N'hésitez pas. Hein. Vacances au 78. Allô. Bonne chance à vous. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est comment ton prénom? Séverine. Séverine. Tu gagnes un CDI. Ah oui. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Séverine. Oui. La fête, c'est la fête. Service garanti impec. Séverine, 2000 euros de vacances. C'est la fête, oui, la fête. Oh, fête, la fête. Bravo à toi, Séverine, 2000 euros de vacances. Merci, merci. Avec grand plaisir, on t'envoie ça à la maison. On te fait des gros bisous, Séverine. À bientôt. Gros bisous, merci à vous à toute l'équipe Énergie. Gros bisous. Et vous aussi, hein, comme Séverine, vous pouvez gagner ça demain. Il suffit de vous inscrire, vous envoyez vacances par SMS au 78. Tout simplement, 1 euro le message envoyé et reçu. On revient demain dès 6h. Ouais. Demain mardi. Et ça trace. Hein. Ouais. J'ai remarqué ça qu'il reste encore 15 jours. Donc là, fin cette semaine, la semaine prochaine, puis après, c'est de nouveau les vacances. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. S'il y a des problèmes dans la vie, un seul mot d'ordre. Hakuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. C'est à vous. Oui, on doit dire sur énergie et pas philosophie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est lundi. On est lundi. On vous souhaite un bon lundi, tout le monde. Rendez-vous demain dès 6h. Mardi, c'est le jeu du bottin, le mardi. Oh, oui. Bien. Eh ouais, tatan, tatan. 7h35. 7h35 demain, jeu du bottin. Soyez là. À l'écran de Camille. L'écran de Camille à 8h35, bien vu. Rendez-vous demain dès 6h, les fifous. Belle journée et encore un bon anniversaire à toi, Tiffany. Merci. Et vous m'avez gâté, je suis vraiment trop contente. Ah, tant mieux. Elle a des étoiles dans les yeux. Ouais. C'est ouais. Ce qu'il faut. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. Coli Shop présente la roue de Noël. Attention, faites tourner. Ouf, pas facile. Je propose un chemin de sable. Eh non, mauvaise voie, Steve. C'est un chemin de table que nous cherchions. Oh. J'ai fait fausse route. Eh oui, dommage, Steve. En ce moment, chez Colishop, jusqu'à moins 50% sur tout ce qui va en cuisine, sur la table et sous le sapin. Énergie. De retour du week-end, on est le lundi 10 décembre et aujourd'hui, c'est la playlist de Raphaël de Couillet. Raphaël qui a laissé un message. Il a dit « Pour me faire plaisir à moi et pour faire plaisir aux auditeurs d'énergie. » Ça, c'est plutôt sympa. Merci, Raphaël. Raphaël qui est dans un esprit de Noël. C'est parti, on a sorti les guirlandes, le sapin. Voici les chansons de Noël avec Maria Carey qui l'a choisi. On aura aussi Wham, « Last Christmas, I give it away. » Et on aura aussi Aya Nakamura. Ça, je savais pas que c'était une playlist de Noël, Aya Nakamura. En tout cas, ça arrive dans un instant, la playlist de Raphaël qu'on écoute tout de suite sur Énergie. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I want for